Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Stéphanie Paradis viendra témoigner de ce qui la rend heureuse avec les petits bonheurs. On sera heureux d'acheter des choses dans Sex, mais ça devrait pas là. Et heureusement que le café existe, on vous dira pourquoi dans son foutu palmarès. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, c'est mercredi 23 octobre 2013, je m'appelle Mathieu Plante. Moi c'est Jean-Philippe Charbonneau. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Oui. Comme toujours. Oui, studio 1. Studio 1 de 1, oui, comme on dit. Alpha, oui. Uno, Yadi. Oui. C'est un autre jeu. Oui, il y a... Serpent. Et oui. Et échelle. Échelle ultramar. Ah, wow! Ah, ouais, de lien en forme, en forme, Mathieu. Tellement, ça paraît-tu? Oui. Donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir une seule chroniqueuse, c'est à 9h, Stéphanie Paradis va être là. Oui. C'est ses petits bonheurs. Évidemment, on vous dit pas c'est quoi son thème de l'émission d'aujourd'hui, mais par rapport à la date... Peut-être que vous allez pouvoir deviner par vous-même. Mm-hmm. On se rapproche peut-être de quelque chose. Peut-être. Tu me fais peur. As-tu réussi? Oui. Autour de ça, on va faire des chroniques maison, bien sûr, comme Sex, ça devrait pas là. Donc, des gadgets inutiles. On va voir aussi son foutu palmarès. J'ai préparé un petit quelque chose sur le café. Café. Café. Miam, miam, miam, miam. Donc, ça va être ça qu'on va faire pour aujourd'hui. En plus d'écouter, bien sûr, de la musique, moins qu'hier. Mais plus que demain. Non? Ben, c'est ça. L'advenir. L'Advil nous le dira. Oh! Ça commence avec une phrase cute dès le départ. Comme ça. Ça peut pas manquer d'ici la fin. On va avoir plein de fun. Donc, sur l'album Warning. Non. Attention, avertissement. Société pourrait être bon. Oh! Oui. Voici The Darcys et Hunting. Un accident de chasse. C'est vite arrivé. Fais attention. Oui. Mettez vos dossards. Mettons, oui, ton coq... Ring. Cocker Spaniel, c'est ça que je veux dire. Warning, cock ring. Oh là là, en feu le matin, prêt pour tout. We'll be right back. The Darcy's, c'est une pièce de leur album Warring. C'était Hunting. Warring. Warring. Ça dérange. Oui. C'est dérangeant. C'était bon. Oui. Très bonne nouvelle entrée du palmarès anglophone. On aura trois autres à entendre d'ici jeudi, qui est la prochaine édition de Palmarès, c'est fou. Oui. Maintenant, le matin, tu sais, les choses vont pas tout le temps bien en commençant la journée. En fait, elles vont rarement bien en général pour bien les gens. Oui, mais il faut se lever de l'autre pied. C'est ça. Ou dors de l'autre côté. Oui. Du lit. Du lit. Comme ça, tu vas te lever de l'autre côté. Okay. Si tu dors sur le ventre. Lève-toi par les mains. Sur les mains. Voilà. Comme ça, t'es sûr de pas te lever du mauvais pied. Et pour nous aider, ben, y a aussi le café. Donc voici son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, c'est la chronique où on fait une liste de quelque chose, peu importe ce que c'est. Hein. Ce qu'on a à faire, c'est des petits points ronds, puis mettre de quoi à côté. Insérer une puce. C'est ça, c'est comme les points noirs d'en face. Hein. Tout ce que t'as à faire, c'est... C'est... Les vider. Les vider. Donc, le café. Lisons un article du Huffington Post. Donc, tout adulte normalement constitué a déjà bu au moins une fois une tasse de café. On en consomme partout. Et en croire le nombre de boutiques Starbucks, rien qu'aux États-Unis. En 2012, il y en avait en passant 10 924. C'est clair qu'on aime tous le café. Wow. Et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup d'avantages de faire partie de la majorité de la population à boire du café tous les jours. Le café est un excellent, est excellent en général pour le cerveau, la peau et le corps. Donc, on vous liste les 11 raisons pour lesquelles vous devriez vous lever tous les matins avec une bonne odeur de café. Comme s'il y avait à me convaincre. Okay. Commençons avec le fait que le café est la première source d'antioxydants. OK. Selon une étude datant de 2005, aucun aliment n'arrive à la cheville du café en matière d'antioxydants. J'imagine un café à cheville. Certes, les fruits et légumes sont eux aussi extrêmement riches en la matière, mais il semble que le corps humain absorbe beaucoup plus d'antioxydants à partir du café. Ensuite, le seul fait de sentir le café peut avoir un effet déstressant. Des chercheurs de l'Université nationale de Séoul ont examiné le cerveau de rats en état de stress provoqué par un manque de sommeil et ont découvert dans le cerveau des sujets exposés à des arômes de café que les protéines liées au stress réagissaient. Donc, cette étude sur l'arôme n'est pas liée au stress à proprement parler, mais au stress provoqué par un manque de sommeil. On peut donc pas vous conseiller avec certitude de garder un sac de grains de café torréfié sur votre table de chevet, mais rien ne vous empêche d'essayer. Donc, voilà. Le café réduirait les symptômes de la maladie de Parkinson. Oh! Selon un article de la revue Science Daily paru en 2012, boire du café aiderait les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à contrôler leurs mouvements. Ronald Postuma, auteur de l'étude, a déclaré, je cite, « Des études ont déjà démontré que les consommateurs de caféine sont moins enclins à développer la maladie de Parkinson. » Mais il s'agit là d'une des premières études concluant que la caféine peut être un remède pour les personnes déjà atteintes de la maladie. Fascinant. Le café est excellent pour le foie. OK. Surtout si on consomme de l'alcool. Une étude publiée en 2006 portant sur 125 000 personnes pendant 22 ans, a montré que les personnes buvant au moins une tasse de café par jour réduisaient de 20 % leur chance de développer une cirrhose du foie, une maladie auto-immune due à une consommation excessive d'alcool, ayant pour symptôme l'insuffisance hépatocellulaire, donc un défaut de fonctionnement du foie, et le cancer. Arthur L. Klatsky, qui a dirigé l'étude, a déclaré au Guardian « La consommation, je cite, de café semble avoir des effets protecteurs contre la cirrhose alcoolique. Et plus une personne boit de café, moins elle semble avoir de risque d'être hospitalisée ou de mourir d'une cirrhose alcoolique. » Les recherches ont aussi montré que le café peut aussi aider à se prémunir contre la stéatose hépatique non alcoolique, le schna. Le chenant. Une équipe de chercheurs de l'école de médecine Duke NUS basée à Singapour a révélé que boire au moins 4 tasses de café ou de thé par jour peut t'aider à se prémunir contre les agressions du chenant. Toi, t'en bois 5, pas de chenant pour toi. Non, ce chercheur-là, c'est un chenapan. C'est un chenapan. ça te protégera pas contre les coups d'un chenant. Non. Oh. Le café peut vous rendre plus heureux. Ah. Pourtant, j'oserais dire le contraire. Une étude effectuée par l'Institut national de la santé américain a révélé que les personnes buvant au moins 4 tasses de café avaient environ 10% de chance en moins, d'être déprimées que les non-consommateurs. Et apparemment, ce ne serait pas grâce à l'effet caféine. Le Coca-Cola peut aussi produire cet effet, mais cela n'a malgré tout aucun effet sur la dépression. Mais cela a malgré tout un effet sur la dépression. Voilà. Ah. L'auteur de l'étude, Anglais Chen, a déclaré... a déclaré au site prevention.com que l'effet du café sur le moral serait vraisemblablement lié aux antioxydants. La consommation de café réduirait le taux de suicide. D'après les études effectuées par l'école de médecine de Harvard, boire entre 2 et 4 tasses de café par jour peut réduire les risques de suicide chez les hommes et femmes d'environ 50%. Raison évoquée, de petits points, le café agit comme un léger antidépresseur et donc en facilitant la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Wow! Beaucoup de mots. Quand même. Le café réduirait les chances de développer un cancer de la peau si vous êtes une femme. Oh! L'hôpital Brigham et Women de Boston et l'école de médecine d'Harvard ont suivi 112 897 hommes et femmes sur une période de plus de 20 ans. Et selon leur conclusion, les femmes buvant au moins 3 tasses de café par jour sont beaucoup moins enclines à développer un cancer de la peau que celles qui n'en boivent pas. Intéressant. Le café peut faire de vous un meilleur athlète. On peut lire ça sur le site du New York Times. Je cite « Scientifiques et athlètes savent depuis des années qu'une tasse de café avant une séance d'entraînement décuple les performances athlétiques, surtout dans les sports d'endurance comme la course à pied ou le cyclisme. » Fin de la citation. La caféine augmente le nombre d'acides gras dans le sang qui permettent aux muscles des athlètes d'absorber et de brûler ces graisses pour les convertir en carburant, préservant ainsi les maigres réserves en glucides et permettant au corps de les utiliser plus tard. Intéressant. Mm-hmm. Le café réduirait les risques de diabète de type 2. Le café réduit aussi les risques donc, de diabète de type 2, selon une étude de l'Institut American Chemical Society. Les chercheurs ont découvert que les personnes buvant au moins 4 tasses de café par jour réduisaient de 50% leur chance de développer un diabète de type 2. Par la suite, avec chaque tasse supplémentaire, le risque est réduit encore de 7%. Colin! Crimbin! C'est 4 minimum, et ensuite 5 et ça aide. 6, c'est encore mieux. 6, c'est encore mieux. C'est sans arrêt. Tu vas mourir d'une overdose de café. Ouais, par exemple. Boire du café. Ou de brûlement d'estomac. Oui. Moi, c'est plus ça le problème. Je prends du... je crois que c'est du Folgers pour estomac sensible. Oh! Si jamais ça vous intéresse et que vous avez des problèmes de reflux, je vous le conseille. Boire du café permettrait de préserver la santé de votre cerveau pendant plus longtemps. OK. Des chercheurs de l'Université de Floride Sud et de l'Université de Miami ont découvert que les personnes âgées de plus de 65 ans avec un taux de caféine élevé dans le sang contractaient la maladie d'Alzheimer en moyenne 2 à 4 ans plus tard que les personnes dont le taux de caféine est moins élevé. Le docteur Chunhai Tao, neuroscientifique à l'Université de Floride Sud et co-auteur de l'étude, a déclaré, je cite... Nous ne disons pas qu'une consommation modérée de café est en mesure de protéger complètement une personne de la maladie d'Alzheimer. Cependant, nous sommes fermement convaincus que ça peut réduire de manière significative les risques de maladie d'Alzheimer ou retarder son approche. Voilà. Voilà. Et le café peut vous rendre plus intelligent. Ah! Oh. Mm-hmm. En général, vous buvez du café quand vous êtes en manque de sommeil. Et bien, cette secousse bénéfique qui n'a pas pour seul effet de vous garder éveillé, elle rend aussi plus intelligent. La chaîne américaine CNN a révélé que le café permettait au cerveau de travailler de façon plus efficace et intelligente. Donc, un reporter pour Time déclare, je cite, « Quand vous manquez de sommeil et prenez de la caféine, presque toutes vos capacités augmentent. Temps de réaction, vigilance, attention, raisonnement logique, la plupart des fonctions complexes associées à l'intelligence. Donc, kids, don't do drugs, do coffee. Do coffee. Voilà. On n'a pas besoin de nous le répéter, hein, nous. En tout cas, moi, j'en prends un minimum 2-3. Toi, 5, je trouve ça pas mal. Mais ça dépend. Hier, toi, je suis plus dans le 2-3 aussi, là, cette année-ci. Okay. Ça, ça a droppé un petit peu. Oui. Avec la semaine de relâche. Oui, c'est ça, je peux me relâcher. Oui, le sphincter. OK. Donc voilà pour son foutu palmarès. On se fera peut-être un autre petit top dans quelques secondes. Ouais, je pense que je viens de décider ça à boule pour couper la main. Wouhou! Alors, ça va entendre une nouvelle pièce des Petites Sœurs Boulées. Non. Oh. Les Petites Sœurs Boulées sur leur album Le Poids des Confettis. Elle s'appelle Map Monde. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore entendu. C'est une nouvelle entrée de cette semaine. Et nous sortons sur le palmarès le mercredi, apparemment. On écoute Map Monde tout de suite. Right now! 89 FM. C'est envoyé par un colis spécial recommandé. Wow. Ça peut être mauvais. C'est un assemblage. Tu me présentes. Jamais ta mère, ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis. C'est pas que t'es pas fier, mais il comprendrait pas. Je t'embrasse. engagements, les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Prie pas si je regarde mes emails toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si. Jamais ta blonde. Oh, mais bonjour. Le téléphone qui sonne. Ben oui, c'est correct ça. Ben, on répond pas, fait que c'est comme ça. Donc, toujours Assemblage Requiem, on vient d'entendre les Sœurs Boulay avec leur extrait Map Monde. Ah, c'est fou. Et c'est le fun, la sonnerie. Oui, ça met de l'ambiance. Ça rajoute un petit charme. Un minuscule charme que je peux pas te garantir que je tripe dessus, Adam. Est-ce que tu as envie qu'on continue la chronique Son foutu palmarès? Oui, monsieur. Mon cher Jean-Philippe, je te propose le top, et là, tu vas peut-être savoir de quoi je parle. C'est le top, ça serait le fun de s'arrêter, par exemple. Je vais décrocher puis raccrocher au nez, ça t'entend-tu? Live? Ah, ben c'est fini. Tu m'as gâché mon fun, man. Je suis en train de vouloir accrocher la ligne au nez à quelqu'un en live à la, la radio. Prochaine fois. On disait donc le top des remèdes contre la gueule de bois. Oh, ça t'intéresse, hein? La petite oreille de choc fait de bois. Oh. Donc, dixième position, l'embryon de canard philippin. Ça m'intéresse de plus en plus. Assez bizarre. Certains croient que manger un embryon de canard philippin permet de se remettre d'une bonne cuite. Donc, c'est plein de calories, mais ça fait peur. Si tu vas voir l'image, je te conseille pas. Non. C'est pas très joli. Ensuite, feu contre feu. Dans de nombreuses régions d'Europe, on combat l'alcool par le feu. Par exemple, en dégustant des soupes très, très, très épicées. J'avoue que ça a du sens. Ou en se ruant dans des saunas extrêmement chauds. Ça, je l'essaierais parce que j'aime manger piquant. Le prochain, dans un sauna. Dans un sauna tout le temps. Ben oui, c'est ça. Même chose pour les cornichons. Encore une fois, dans un sauna. Dans un sauna. Quand la serviette tombe. Le cornichon te sort. C'est ça. Dill pickle. Beaucoup pensent que les cornichons sont bons contre évidemment, la soulerie du soir d'avant. J'essaie de ne pas traduire les choses françaises en québécois. J'essaie de le faire. Car manger des cornichons force à boire de l'eau. Et l'eau est une très bonne solution contre l'alcool. Donc le melon d'eau aussi. Aha! Tu vois, tu réfléchis pas mal plus que moi. Pour combattre la gueule de bois, faire de l'exercice s'avère aussi une excellente solution. Et si en plus l'exercice peut se faire depuis le lit et en bonne compagnie, donc on parle de sexe ici, c'est la 7e position, c'est encore mieux. Ouais. Ensuite, position numéro 6, des crottes de lapin. Les cow-boys avaient l'habitude de combattre les effets néfastes du whisky en se faisant des tisanes où ils infusaient des crottes de lapin. Drôle de défi, mais efficace apparemment. Ouais, ben on dirait que la moitié des affaires dedans, c'est comme... Ben, si tu réussis à pas vomir après avoir mangé ça, t'es correct. Ouais, c'est bon d'acier. Cinquième position, c'est la méthode choc. Donc, une bonne douche froide pour éveiller le système ou au moins détourner l'attention de ce mal de tête. Ensuite, quatrième position, c'est arrêter de gémir. Donc, très simple quand même. qu'on peut jumeler au 7 en faisant l'amour. Ah, oh, gémir quand même. Donc, c'est de faire comme si t'étais pas vraiment gueulebois. Donc, tu fais comme tout va bien, la la la la, puis je gambade dans les bois. Donc, faire un petit repas et vaquer à ses occupations. Ensuite, comment on fait déjà avec la pub qui roule tout seul par-dessus? Il y a pas de ben, écoute, qu'est-ce que ça dit? Il y a rien, il y a juste un carré noir qui apparaît. Ah! Voilà. Ça sent bien. Je vous jure qu'aujourd'hui, je vais me rendre à mon but. Ah oui? Je devrais pas jurer des affaires que je peux pas contrôler. Hein. Non, non, non, c'est parce qu'à date, ça veut pas. Mais ça, jurez plus comme ça. Je m'excuse, Dieudonné, l'humoriste français. Oui. Pourquoi? Parce que je veux m'excuser à Dieu parce que j'y crois pas. Ah, OK. C'était recherché, ça. Ouais, ben, je voulais faire une mauvaise blague en essayant de l'eau d'arrangement. Ouais. Donc, voilà pour le palmarès des choses à faire lors de l'endemain de veille. Toi, qu'est-ce que tu rajouterais, mettons? Qu'est-ce que tu fais, toi qui es, est-ce que je peux dire, pas fréquemment ni régulièrement, mais ponctuellement? Ponctuellement. mettons, l'endemain de veille. Donc, j'essaie d'être fin, toi. Oui, merci. Je vois tes photos sur Instagram, tu sais, moi, sur Facebook. Ah oui. Tu sors souvent, tu sais. Ah, ben oui, c'est comme ça. Ça ben, je sais pas, rien. Je suis toujours en forme. Parfait. Position numéro 3, merci. Position numéro 3, presque coutume de combattre la gueule de bois en se réservant une petite personne, une femme, hein, comme on a dit tantôt, le sexe. Et puis ici, on dit, attends, qu'est-ce que ça dit, ça? Je comprends pas le numéro 3. Quel top de marque que j'aurais pas dû faire à matin? Deuxième position, j'aurais vraiment pas dû choisir ça. Médecine préventive est la deuxième position. Donc, plutôt que d'attendre le mal, mieux vaut le prévoir et agir en conséquence. Ça ressemble à un top 10 qui manquait de position. Oui. Qui se sont dit, on va mettre n'importe quoi. En top 2, tu sais. On le mettra pas en top 10. ouais. Et première position, c'est manger bien gras. Ça, c'est le classique. Oh, je pense que classique. Si t'avais eu en sortir un, je pense que j'aurais arrêté celui-là. Ouais. Manger une bonne grosse poutine. Oui. Sauce à la bière. Sauce à la bière, oui, avec une rondelle d'oignon. Ah! Il est trop l'heure de manger pour moi. La sauce au bord de pin, t'as pas assez mal. Donc voilà pour le palmarès des remèdes contre la gueule de bois. Merci à Internet de nous donner des affaires, du contenu aussi pertinent. Oui. On prend une pause, on revient avec une belle petite demi-heure. Je pense qu'il va être garni de surprise. Oui, monsieur. Surprises. Et ouais. Nous autres, on va être là. Plus ou moins mentalement, mais physiquement, on est tout à fait présent. On est très là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et on est toujours le mercredi 23 octobre 2013. Il en reste pas bien des jours où je peux faire des rock-tub, cocktail. Ça s'écoule. Ça s'écoule. Le nez à l'automne. Ça, c'est cool. C'est ça. Les érables au printemps. Ah, c'est pas éthique, là. C'est pas du tout éthique. Je pense qu'on devrait pas faire ça. On devrait pas faire ça. On a pas le droit de faire ce gag-là. Trop commun. Trop facile, mais des fois, on aime ça la facilité, tu comprends? Oui, lorsque le soleil est à son zénith. Moi, je trouve que c'est la phrase que les gens utilisent trop souvent pour rien. Pour dire que t'es poète. Je suis content que la toune se soit arrêtée exactement au moment où je ça fait un beau malaise, hein? Oui! Ouais. Voici une petite rencontre assez casual qu'on appelle la Casual Encounters. The Albertans. Ça, c'est fou. soleil ou ta journée. Melon, miel et choux bruxelles. Pour tes oreilles, la vitamine D. Ensemble, on va bien commencer. Oh ouais! Bon matin, les petits cocos. Ah, bon matin tout le monde. Oui. Bon matin Mathieu. Bon matin Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va très bien. Bienvenue à notre première émission de Melon Miel et Choux de Bruxelles. Oh! Eh oui, puisque aujourd'hui on fête un anniversaire. Une bonne fête? Oui. Ou un anniversaire dépendant. Oui, écoute, moi j'ai mêlé les deux. Oui, je suis comme ça. C'est comme ça Melon Miel. Un amalgame. Oui. Un anniversaire de mon animateur dans le temps de Melon Miel et Choux de Bruxelles. Te souviens-tu de Melon Miel et Choux de Bruxelles, oui, Mathieu? Oui, je m'en souviens comme c'était il y a plus ou moins un an et demi, un an? Ça a commencé il y a 3 ans. Ah oui! T'imagines-tu? Ça a duré longtemps, par contre. Oui, mais ça a été ponctué de stages et de... De stage. De stage. De stage, et point. Et autres. Et oui, donc, première émission que j'ai faite à C'est fou avec Alexandre Laramise Wiki, qui a eu cette idée de projet en pleine nuit. Est-ce que je t'ai déjà conté comment ça a commencé? Melon Miel et Choux de Bruxelles. Non, raconte-moi. Mais écoute, je te compte ça très rapidement. Mais Melon Miel et Choux de Bruxelles, ça a commencé par, comme je te disais, petit appel téléphonique vers 2h du matin d'Alexandre qui en me soir. Dit... En soir. En soir. Qui me dit... J'ai une idée! Il y en a-tu les idées dans cette tête-là? Hein? Oui. On fait une émission de radio. J'ai fait OK. C'est vraiment juste commencé comme ça. Donc, on est allé déposer notre projet d'émission que j'ai retrouvé d'ailleurs. Ah! Oh. Que Alain m'a donné fièrement notre cartable de présentation de projet qui a été accepté. Avec ce nom-là. Malgré tout. Dès le départ, avec ce nom-là. Là. Oui, dès le départ, avec ce nom-là et avec un petit montage Photoshop que Alex avait fait pour. Le logo. Oui, oui, pour un genre de logo corporatif, là, de Melon Miel. Et puis, donc, ça a commencé comme ça, par une première émission que j'ai retrouvée, d'ailleurs. Arrête-moi donc ça! Donc, j'aimerais ça vous la faire partager, puisque vous allez voir, on était moins à l'aise qu'au début. Et roulez! Melon Miel et Choux de Bruxelles. Badabadabadou. Tes oreilles, la vitamine D. Oh oui! Melon, miel et choux de Bruxelles. Pour tes oreilles, la vitamine D. Ben oui, bon matin, Mauricie. De la vitamine D pour tes oreilles ce matin. Écoutez, ce qu'on va vous offrir cette année, à partir de maintenant, tous les lundis, eh bien, c'est du soleil. Avec nous, on a Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Et bon matin la Mauricie. Jean-Philippe Charbonneau, voilà. Jean-Philippe, l'autre jour, tu me disais qu'il y a des gens qui sont comme Garfield. Écoute... Ben oui, il y en a qui n'aiment pas le matin. Nous, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on prend cette chronique de 9 à 11 là, pour égayer votre matin. Le lundi matin, en plus ce matin, c'est pluvieux. Donc, écoutez-nous, on va vous mettre du bonheur. Puis, écoutez, les lundis matins, c'est pour ceux qui sont comme Garfield, justement, nous, ce qu'on veut faire, finalement, c'est vous donner la chance de muer de votre semaine passée, tu sais, de votre vieille semaine toute séchée, ratatinée, un peu comme un serpent. Bref, là-dessus, pour vous aider dans votre mue hebdomadaire, Jean-Philippe et moi, finalement, on vous propose une émission qui s'appelle Melon Miel et Choux de Bruxelles. Melon Miel, pourquoi? Mais parce que c'est sweet, hein? Et Choux de Bruxelles, ben parce que c'est un petit peu incongru. Et c'est ça, on va être sweet et un petit peu incongru. J'imagine qu'il y a des gens à la maison qui se disent peut-être « Bon, là, j'ai deux incongrus le matin qui veulent égayer ma journée, là, mais tu sais, je laisse pas entrer n'importe qui comme ça dans ma maison sans présentation, surtout qu'avec leur petite voix douce, ils sont probablement barbus. Bon vivant, volubile, charismatique, séduisant, beau garçon, propre de leur personne. On aime aussi les balades en montagne. Ah, les soirées cinéma aussi, les soirées resto devant une bonne bouteille. Oui, c'est vrai qu'on est un peu tout ça, mais on a des émotions aussi. Donc, on a décidé de se présenter et de se présenter d'une façon assez originale. Alors, je vais commencer comme ça. Jean-Philippe, si t'étais une couleur, quelle couleur tu serais? Ben voyons, Alex, c'est quoi cette couleur-là? T'es daltonien. Oui, mais je sais que c'est une question qui n'est pas très pertinente, mais c'est correct. Merci de le souligner, Jean-Philippe. On va être obligé de se revirer sur un 10 cents, là, puis de trouver autre chose. Ben oui, mais là, on est en 2011. Faut intéresser les auditeurs. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bref, au menu cette semaine, on va avoir le privilège de rencontrer Philippe Roy, qui va nous parler un petit peu du bac vert, hein, parce qu'on a une belle planète, puis il faut l'entretenir. On va se laisser inspirer aussi par la dernière plaque métallique, finalement, qui est accrochée sur les murs de la Trifluville. Qu'est-ce qu'on va faire aussi, Jean-Philippe? Oui, ben on va parler également des petits péchés culinaires de la saison. Là, on sait que Des petits péchés culinaires. Donc aujourd'hui, ça va être les huîtres. Oh. Soi-disant, passant. Apparemment que c'est aphrodisiaque. On va démystifier le mystère. Le matin, comme ça, tabarnouche. Eh bien, côté santé, on va peut-être effleurer les oméga 3 aussi. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'on vient de s'abonner au coup de pouce, Jean-Philippe et moi. Bref, on va parler aussi du géant Apple, finalement, qui va peut-être nous annoncer une belle surprise demain au courant de la journée. Et finalement, dans un domaine tout aussi sérieux, on va essayer d'élucider un autre mythe, là, celui de la mousse de nombril. Donc, il faut rester en onde. On a toute une chronique. Pas la mousse de nombril. Jean-Philippe, tu vas pas nous montrer ton nombril en onde. Oh, ça y est, assez grivois. Bref, alors on va commencer avec une première petite chanson. Ah, c'est beau, ça commence tellement bien. On n'a pas du tout remarqué que j'avais un texte. Non, c'est ça, c'était lu un peu. Mais ta voix était tellement différente. Oui, mais je pense que c'était le matin. Écoute, c'était 9h le matin. Je me souviens qu'on avait eu de la misère, on s'est levé très très tôt pour essayer de se préparer. De mémoire, Alex... Pour la première et dernière oui. fois, non? C'est pas vrai, c'est ça. Oui, puisque c'était très très impro là, comme émission. Et puis, de mémoire, on s'était arrêté au dépanneur à acheter comme tous les journaux possibles pour essayer d'avoir un backup s'il se passait quelque chose. Hey, si vous étiez mis juste à parler de l'actualité, ça aurait pas été la même émission du tout. Là. Non, pas du tout. Genre, le maire de Trois-Rivières a fait l'affaire. Mais nous connaissant, on aurait plutôt genre commencé à lire les chiffres dans le Sudoku. Ah oui. Comme, OK, 1, case vide, 3, case vide, deuxième ligne. C'est un jeu radiovisé. Oui. Oui, puis on vend des cartes chez IGA, c'est ça, si vous voulez jouer comme à la radio communautaire avec la bingo. Oui, on avait ça dans le temps. Oui, je sais. Et puis aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, Mathieu, puisqu'on a eu un téléphone. Invincible. Oui. Il y a eu un moment où Alex me demandait c'est quoi ta couleur, tu sais. Puis j'ai fait un peu comme. À Pimentfort, j'ai gâché le moment en montrant clairement que j'avais un texte préparé. Parce que j'ai fait, ben voyons, Alex, c'est quoi cette couleur-là? Alors qu'il venait de me demander une couleur, parce qu'il est daltonien. Ah, t'es-tu sérieux? C'est pour ça que ces caricatures sont en noir et blanc dans son campus. Oui, c'est ça, exactement. Ah! C'est ça. Pour lui, c'est en couleur. On sait tout. Oui. Il est daltonien noir et blanc. Oui. J'aime ça. Donc, c'est daltonien CMYK RGB, tu sais. Oui, c'est pareil à la naissance. Joke de geek. Ah, oh, personne ne comprend. 1-1-0-0. Ça veut dire lol. Mais non, c'est ça. Donc, première émission qui était somme toute stressante, puisque tu sais, c'est toujours stressant la première. Hein? T'es directeur de la programmation, elle a un fève derrière toi, en train de oui. te regarder. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être pour ça que ma voix me ressemble pas. Est-ce qu'on peut accueillir PC parce qu'il l'accueille pas, mais moi j'aimerais ça qu'il puisse parler s'il y a d'autres. Tu sais, il peut parler. C'est vrai, ouais. Mais je pensais qu'on lui avait dit bonjour. Bonjour. Bon matin, Trois-Rivières. C'est PC de la Mauricie. Bon matin, la Mauricie. C'est PC qu'on connaît de la Luître. Oui, exactement. Oui. Luître. Luther. Luther. Luther. Et puis, toi, t'en as pensé quoi, donc, de la première émission de Melon Miel? Ben, écoute, j'ai été impressionné par le talent de Zwicky dès la première, par ton talent aussi. Oui, par ton talent si aussi. Qui était juste plus discret. Il était vraiment bien caché. Mais, non. Fallait le frotter. J'avais déjà entendu votre ouverture avant que ça joue, parce que dans le fond, j'étais coloc avec Phil Roy. Oui. C'est la première fois, dans le fond, que j'ai vu Alex. C'était à la création de cette chanson thème? C'était à la création de cette chanson thème. Ça a été enregistré live dans un appartement, ça, quoi? La chanson thème? Mais peut-être pas l'enregistrement, mais une pratique, du moins, oui. Ça a été enregistré dans mon ancien appartement, oui. Wow! Cool. Donc, ben oui, qu'on a ici, puis qu'on a déjà eu aussi en version longue, lors d'un spectacle, en tout cas. Ah, ça, c'était le fun. Oui, donc, chanson thème qui restera probablement gravée longtemps. Cette, Mais comment ne pas oublier une chanson thème qui parle de melon miel et de chou de Bruxelles? Oui. Je veux dire, moi, ça vient me chercher intérieurement. Ça, en tout cas, c'est un One It Wonder, ça, c'est ça. Oh oui. Ouais. Est-ce que tu penses que ce groupe-là, un jour, va pouvoir réenregistrer la chanson thème d'Assemblage requis? Je dis ça, je pense ça de même. Moi, je pense que oui. Très drôle. En fait, on en a déjà parlé l'année passée, si ma mémoire est bonne. Oui, oui. Ça, c'est pas produit, hein. C'est pas encore. Ça fait partie des choses qu'on mentionne sans cesse, mais qui se font jamais. On le fera la semaine prochaine. OK. Mais tout ça pour dire que c'est ta fête, Alex, donc on voulait te faire passer un petit moment radiophonique intéressant. Oui, bonne fête, Alex. Bonne fête. Est-ce que toi, puis ici, t'as des anecdotes, toi qui joues avec et contre lui? Moi, j'ai quelques petites anecdotes, là. Écoute, ça fait 2 ans que je le connais, Alex. Je suis parti 1 an dans l'Ouest, tu sais, mais dans la première année où je l'ai connu, je le connaissais pas vraiment. Je l'ai vu embarquer sur scène à la Luître, dans le fond, un lundi soir. Puis, au premier match que je l'ai vu, il a fait 2 choses qui m'ont tellement impressionné. Il a pris... Je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'est Simon Charon dans le temps qu'il jouait là, un grand, dans le temps qu'il jouait à lutte, mais il l'a pris sur ses épaules, puis après ça, il s'est fait prendre par Simon Charon, puis tu sais, on... C'est ça, c'était impressionnant. Il est plus comme il était, mais il était corpulent. C'était quelque chose de le voir, puis après ça, il me sort son accent d'arabe qui me parle de vendre des tapis à quelqu'un. Moi, ça c'est venu me chercher durant le carnaval aussi de cette année-là. Après ça, je l'ai vu torse nu, posé pour le carnaval, dans le fond, pour que les gens le dessinent. C'était... Ah oui, pour le concours de dessin. Oui. C'était dessiner Zwicky, c'était magique. C'était vraiment un très, très, très beau moment. Mais sinon, Alex, je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est un gars qui est quand même assez extraordinaire, qui est proche de ses amis, qui est proche du monde. Puis je pense que c'est pour ça qu'on l'aime tous. On dirait qu'on en parle comme s'il est mort. C'est un gars, là, c'est tellement jeune, c'est passé. Mais non, c'est sa fête, faut être heureux. Je pense à Zwicky, puis j'ai les larmes aux yeux. Ça tombe bien parce qu'on est avec nous en studio. Oh, la marche est là aussi. Hey, mais on pourrait tellement faire ça, l'avoir avec nous en studio s'il si, s'est réveillé. On pourrait lui dire d'appeler. OK, ben vas-y, le téléphone à date a sonné en onde 2 fois aujourd'hui. Ben oui, pourquoi pas, ben oui, j'avais 203, là, bien dit, 819-376. 5183, s'il vous plaît, faites le bon numéro. Oui, mais non, mais on ne le verra pas sonner. C'est pas allez-y, on pourrait le mettre en onde. C'est pas OK, ben, c'est, ouais, mais on peut pas donner ce numéro-là en onde. C'est vrai. Zwicky, tu devrais l'avoir, ce numéro-là. Tu devrais appeler. Sinon, il est sur la page. J'attendrai pas après ça, là. Bon, attendons. Mets la chanson thème. Ah oui? Oui. OK, oui. Ah, ça va peut-être le réveiller sur ma chanson thème, j'avoue. Hein? C'est comme un... Après, il faut que je baisse mon fond. Je baisse la trame. Ouais. Melon, miel et chou de Bruxelles. Ah oui, Alex, ça fait. Alex. Soleil, ta journée. Ici, petit Zwicky. Melon, miel et chou de Bruxelles. Pour tes oreilles, la vitamine D. Ensemble, on va bien commencer. Oh ouais! Bon matin, les petits cocos. Les petits cocos. J'aimais ça me faire dire bon matin, les petits cocos, même quand vous étiez rendus genre en fin d'après-midi. C'était fun. Écoute, ça, c'est un deuxième plan de l'émission qui est tombé à l'eau. Mm-hmm. On voulait la réenregistrer. Ouais, en oui. Fait, je dis on. C'est comme si moi, je joue du coco. Là, okay. c'est la seule contribution que je peux faire. Tu brasses une canne de lait de coco. Là, oui, c'est ça. Moi, je suis en train de faire un pina colada en arrière. Non, c'est ça. C'est la seule affaire que j'ai pu contribuer à cette chanson-là. Tu l'as bien fait. Merci. C'est excellent. Merci. Mais c'est même pas moi qu'on entend dans l'enregistrement. Faire, bon. C'est juste dans la version live que je joue du coco. Je retire mes compliments. Mais... I'm play some coco. I play some coco. Bref, voilà. Tout ça pour dire que c'était un petit moment, une aparté. Oui, si on veut. Si on veut, une genre d'aparté où on est retourné dans le temps pour faire un petit melon miel et chou de Bruxelles. Ouais, et on souhaite encore une fois bonne fête à Alexandre Zwicky. Oui, bonne fête. Puis ici, qui est en studio avec nous pour parler un petit peu d'Alex, on a parlé d'aparté il y a 2 secondes. Quand dirais-tu de parler directement à ton merveilleux public qui t'écoute à Trois-Rivières sur un sujet qui t'intéresse aujourd'hui? Je te barre l'intro. Voici une aparté. Écoute, moi, public, aujourd'hui, je vais te parler, et tu sais, avec le thème de Zwicky, la fête à Zwicky, ça m'a fait penser à l'improvisation. Je vais y aller avec l'improvisation. Je vais te dire que l'improvisation, c'est tellement un moyen de voir des gens que tu connais ou que tu ne connais pas faire les fous se donner pour toi, faire de ton lundi soir un moment inoubliable. Là, je dis lundi soir, je pense à ça. Il y en a d'autres fois, tu sais, dans la semaine, il faudrait que tu t'informes. Mais l'impro, tu sais, ça paraît peut-être pas de même, mais l'improvisation, c'est un art. T'sais, on n'a pas de texte, on se donne pour toi. Zwicky, il se donne pour toi quand il fait ça. Fait que je cède ça à Zwicky. À Zwicky. À Zwicky qui se donne. Chin chin. C'est beau, ça? Oui! Est-ce que quelqu'un veut faire une autre aparté? Tu fais un aparté? Ah, la dernière fois que j'ai fait une aparté, ça a été... Ça a donné un moment qu'on a mis les instants classiques, fait que je te oui. dirais que c'était un succès. Donc voici une autre aparté. Moi, quand je passe l'Halloween, je suis content d'avoir écouté Melon Miel et Chou de Bruxelles les trois années où on a parlé de l'Halloween. Et les trois années où Alex nous a recommandé d'aller à Longueuil pour faire scanner nos bonbons à police. Pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. Alex est convaincu que ça se fait. Mais moi, je le crois pas encore après. Là, ça fait 4 ans. Je sais pas qui croire. Je sais plus quoi faire. À cause de ça, je passe plus l'Halloween. Je crois même plus au Père Noël. J'aime plus ça, les bonbons. Puis les policiers non plus. Oh. T'as pas payé? Alors, écoute, je suis content d'y avoir pensé ce matin. Ça va être là. Donc, deuxième partie, grâce à PC et à Jean-Philippe, bien sûr. Parlons un petit peu de deux affaires. J'avais deux affaires à mentionner. PC, premièrement, il y a une vidéo qui vient de sortir avec toi en vedette. Oh, oui. Pour la lutte feutrée qui a lieu jeudi soir. Allez voir ça. C'est toi en train de... Ah, faut pas voler les punchs. Dévoiler les punchs! Spoiler alert! Mais mettons, si je veux pas dévoiler les punchs, je peux quand même dire qu'elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook, si tu vas voir le groupe de la lutte. Oui. Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Puis ça devrait vraiment te donner envie de venir voir ça demain soir. Puis il n'y a pas de virgule. Là. Ça devrait pas vraiment te donner le goût de venir, virgule, hier soir. C'est le fun, on laisse a comme... Chance. On a l'antidote humain, Jean-Philippe oui, Charbonne. Souligné en rouge. Donne-moi au moins ma chance. Oui, tu vois que j'ai beaucoup changé. Moi, oui. c'était bon, ça. Oui. On s'en va aussi l'écouter, cette chanson-là? C'est sur YouTube aussi. Oui. Mais que là, je vais devenir viral. Non, oui, ça y est. Ça va être... Ça va être le chaos sur les internets. Un vrai microbe. Ça se pourrait qu'à midi, toute plante. Parce que il y a trop de gens qui veulent écouter la vidéo. Ouais. Ah, c'est ça qui a fait la panne de Facebook oui. en début de semaine. Il venait de le mettre. C'est ça? Oui. Mm. Hey, je suis pas le seul qui a souffert de cette panne. Tout le monde en fait. C'est okay. Ouais. Partout. Ouais. Sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour d'Alex Wozwicky. Mais tu parlais d'Halloween tantôt et de l'anecdote que vous avez racontée à chaque année. Vous avez fait dans votre dernière émission un montage, mais ça avait l'air d'un montage de toutes les fois où vous avez parlé d'Halloween à Melon Miel pendant les trois dernières années. Oui. Mais j'ai appris plus tard et fais-moi exploser le cerveau une deuxième fois, Jean-Philippe. Oui, ben écoute, je me souviens quand tu l'as appris parce que ici, quand on écoute les palmarès le jeudi, il y a une chronique qui s'appelle Les Instants Classiques. Exactement. Où tu fais un montage des meilleurs moments de l'assemblage requis. Ouais. Et puis, cette fois-là, je pense que c'était l'été, et tu avais fait un montage de tous des petits bouts quand on avait enregistré des pubs. Des bloopers de l'enregistrement de qu'on avait fait, et puis ça a donné des moments assez savoureux. Et puis, c'est à ce moment-là que je t'ai dit, ben moi aussi, je pourrais t'en faire un montage, puis tu sais, essayer de te puncher comme t'as su me puncher. Non, c'était très, très drôle. C'était pas supposé être en public, ces bloopers-là, c'est pour ça. Non, mais c'était hilarant. C'est des très, très bons moments. Et allez écouter ça sur la balade audition. Et puis, là, tu m'as dit, ben oui, on a vu ça dans ta dernière émission de Melon Miel, Chou de Bruxelles, que tu étais capable de faire du montage. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai appris au public que, en fait, on avait fait que du live. Pendant 3 heures, on avait fait semblant que c'était des extraits, des meilleurs c'est moments. Donc, on s'est rappelé vraiment des moments forts de nos 3 ans. Et puis, on a réussi à les recréer. Puis, tu sais, tu t'en souviens un peu qu'on a parlé de ça, mais tu te souviens pas exactement mot pour mot ce qu'on a dit après 3 ans de délire. Tu peux pas te souvenir de tout mot pour mot. Mais ça a bien passé. Je pense qu'on en a eu plusieurs. Plusieurs personnes se sont faites vraiment avoir. Mais c'est que t'avais mis des effets sonores sur YouTube de clochettes entre chacun de vos extraits, en guillemets. Ça a été décidé vraiment sur le moment. C'était une émission improvisée un peu. J'aimerais ça revoir. Il y a moyen de revoir ça. Je sais pas, c'est JP. Y a-t-il moyen? Écoute, c'est la dernière, je me souviens pas de l'avoir prise. Mais on a ça dans nos archives assez fou, donc si tu me donnes une date, je te trouve ça... Pas là! J'ai clairement trouvé la date, puis on pourra essayer de faire quelque chose... Je pourrais te trouver là, si tu voulais. Mais pas là, live, mais par tantôt. Puis l'intégrale 3 heures? Ouais. OK. Ça rentre jusqu'à 9h30. Ben oui, écoute, on a juste à tourner les coins ronds. Ben c'est tout ce que je peux vous faire entendre là, avant de continuer, c'est les bloopers dont tu parlais il y a 2 secondes, donc on écoute ça. Ah oui, OK, faisons ça. Ça tente de te remémorer des malaises. Il y a 2 semaines de ça. On avait passé un montage de bloopers. Ah oui, c'est le moment, là. D'Aucun outil requis. Juste pour ceux qui ne se rappellent pas du montage des bloopers de Aucun outil requis, on vous repasse ça quand même là. 1, 2, test! Bienvenue! Hey, salut! Bienvenue à Aucun outil requis. Je vais t'en faire une coupe, tu pourras choisir. Capitaine! Cap à les Trois-Rivières! Hola! Bienvenido à excusez, je trouve ça drôle. J'ai essayé de gesticuler, ça a l'air... Ouais, ça. Dans cet épisode, j'y vais à frette. Mais je l'ai même pas lu. Oh, c'est là. Dans cet épisode, on se concentre sur Michel Lebrun et ses chroniques juridiques et judiciaires panier à salade. Au menu de cette salade du chef Lebrun. Ouais, fallait aller. J'avais les yeux pliés. Ouais, je suis en train de loucher. Je comprends, j'ai faim. Un très gros merci à chacun. 89.1, merci. C'est le jeudi 14h. À... Non. J'ai des trémolos. Fait que c'était pas bon, c'est ça? Ah, c'est correct. J'aime ça. Je pense que c'est bien. Yes. Voilà. Youi! Oh non, ça donne du matériel pour être contre moi. Oh, wow, hein? Ah! Ah, attends, ça c'est la vraie pub. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Plante. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! Donc ça, c'était le montage qui a donné ça. Hein? C'est ça que tu disais. En fait, ça, c'était un montage de la fois où on a rediffusé pour une deuxième fois le montage qu'on avait enregistré. Fait dans qu'on est rendu à 3. 3 degrés de séparation de ce montage-là. Et en plus, ma voix qui annonçait le montage. Du caca. Bonbon. Ah. J'ai des trémolos aussi aujourd'hui. Hey, il y a un de mes amis sur Facebook qui vient de découvrir le Trollolol Man. Ah ben c'est le fun. Il est mort l'année passée. C'est ça, juste 3 ans en retard sur la vidéo qui est sortie. Il est bon pour 10 heures. Mais oui, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire quand on a des montages. Ah ben ça c'est Karina par exemple. Ça, c'est... Est-ce qu'on peut le mettre en nom? Oui. Karina, on va avoir passé comme 40 minutes à parler du wiki. Mais bon, donc accueillons Karina Tardy, animatrice de la vie en monde. Bonjour. Hey. Oh non! Bon! Comment ça va, vous autres? C'est quoi la fin? T'as une voix grave, Karina? Je te reconnais plus. T'es plus comme avant. Vous du matin, hein? Ben oui. Mais là, ce matin, écoute, on a essayé d'appeler. On a réveillé une petite dame. Et puis, c'est ça, la dame, elle dit: non, c'est pas fou, pantoute, je dors, là. C'était pas, c'est fou. Écoutez, je voulais surtout vous dire un gros merci ce matin pour l'hommage. J'étais franchement ému. Oh. T'as-tu l'impression d'être mort, là? Oui. Ah oui, c'est ça, exactement. Je me suis presque ennuyé de moi. Sur le coup, c'est incroyable. Aïe. Mais vous m'avez vraiment beaucoup touché. Ah ben, je m'excuse, puis... ma main est tellement... J'ai les mains baladeuses. J'ai tellement des longues mains, là. Mais ça fait incroyable. Vraiment un bon matin quand tu te fais toucher le matin. Oui. Oui. Par Mathieu Plante. Aïe, se lever avec un peu d'ardeur, il n'y a rien de mieux. Écoutez, je voulais tout simplement vous donner des conseils d'Halloween. Aïe, non, mais pour vrai, là, merci beaucoup. Ça a commencé ma matinée, là... puis là, on attend un peu, je pense qu'on s'entend en arrière, mais par Internet, fait que là, je suis tout mélangé, c'est bon. Moi qui mon déficit de l'attention. Tu fais David Ferron de ta personne, faut pas faire ça. Oui, c'est ça, exactement. Ben, ce volume-là, il va faire une crise d'épilepsie. Ah, OK. Ça va bien, on t'entend pas. Ouais, non, c'est correct, ça sonne très bien. Mais c'était vraiment des beaux souvenirs, là. Je veux dire, notre première émission, je pense qu'on n'avait jamais été aussi organisé. Puis t'as vu ce que ça a donné en plus comme résultat. Oui, c'est ça, exact. Mais toi qui disais, ça a été la première et la dernière fois. Ben oui, c'est la première et la dernière fois qu'on était prêts. Après ça, ça a été que du plaisir tout le temps. Mais vous avez fait tellement de thèmes différents, que ce soit les poêles. Oui, le poêle, oui. La moue? C'est ça. Hey, mais là, la mousse de nombril, je me permets d'en parler parce que j'ai à côté de mon lit, de ma petite table de nuit, un petit pot maçon dans lequel... oui, d'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus où ça pète. Non. Bref, j'ai un petit pot maçon dans lequel, quotidiennement, c'est même pas des blagues, Myriam, qui s'est rendue compte que je produisais de la rythme de la mousse de nombril à un rythme est incroyable, a décidé de récolter à chaque jour ma mousse de nombril. Donc là, je suis rendu avec un beau petit tapon de mousse de nombril. Oh my God, j'avais peur que ça s'en aille. Oui, j'avais peur que tu dises ça pour de vrai. Est-ce que tu vas faire un gros chandail avec ça, quelque chose? C'est exactement ça. Au moins une tuque, tu sais, ou des caches-doigts, je sais pas. Un moment donné, tu vas arriver vraiment avec un canuc, là, tu sais, vraiment, tu plein de poils autour, genre du capuchon, là. Mais c'est un homemade canuc. Hey, on cherchait, on voulait avoir un chat en studio comme mascotte. Fais-nous un chat de mousse de nombril. Ah oui! Un quoi? Un chat de mousse de nombril comme mascotte, c'est fou. Un chat. Oh. Oui. Ah oui, ok, de mousse de nombril, oui, c'est très beau. Avec du styrofoam, là. Je pense que je vais aller passer ma fin de semaine chez Omer Dessert. Puis, je travaille là-dessus, je vais mettre un chandail de laine. Ça va me frotter le nombril. D'après moi, ça va produire de la laine en quantité phénoménale. Wow. Mais bref, les copains, encore une fois, merci beaucoup pour l'hommage ce matin. Ça m'a réveillé, ça a été incroyable. Ça m'a réveillé beaucoup plus doucement que mes voisins qui font tout le temps le party en matinée. Et puis, ben oui, ce matin, j'ai une surprise, mais là, c'est ça, c'est qu'en fait, là, j'ai un beau setup. Je me suis réveillé à 6h30 ce matin, Myriam, avec des enveloppes. Et puis là, tout au courant de la journée, je vais avoir des surprises. Et là, notamment, j'ai Marie-Christine Perras et ses deux petits trésors qui sont venus me dire un petit coucou, donc Sarah et Maya. Donc en ce moment, moi, je suis dans mon lit. c'est pas louche du tout. Je suis en chest, comme d'habitude. Et puis là, j'ai plein de petits visiteurs comme ça dans ma chambre. C'est incroyable. Et puis ça me faisait penser à un film où justement, tu sais, en tout cas, la fille est dans le lit, puis là, il y a le prêtre qui vient avec la paroisse. Puis, mais bref, c'est ça. De toute façon, il n'y a rien de compromettant qui se passe, fait que j'ai rien à cacher. Je voulais juste vous dire que je vous aime énormément puis que ça m'a touché grandement ce matin. Donc, merci beaucoup pour l'hommage. Les garçons, ça fait chaud à mon petit cœur. Ah, oh, ben, excellent, Wookie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Tellement. Bon. Hey, je me demandais, Alex, vu que tu es en chess dans ton lit le matin, je pense que ce serait le moment parfaitement approprié pour te faire une aparté. Oh. Vas-y. Si je pouvais passer ma journée complète en chess, je pense que je le ferais. Mais socialement, c'est inacceptable et il fait froid dehors. Non, mais là, il faut que j'explique pour les gens ici que c'est l'aparté. Parce que là, on se dit, mais de quoi il parle? C'est n'importe quoi. Bref, tous les jours, j'aimerais être en chest et célébrer mon 25e anniversaire en buvant voyons comment on appelle ça, des mimosas. Hein? Ce matin, on s'est débouché une bouteille de champagne. Et le voisin d'en haut croyait que c'en était fait, que je m'étais embarqué dans un gang de rue et qu'il y avait une descente dans le bloc. Donc, j'ai entendu les policiers parcourir les corridors, mais tout se passe bien. Bref, pour terminer mon aparté, j'ai vraiment une belle journée devant moi. Voilà. Wow. Merci, Alex. C'était évident que ça allait être parfait, ton aparté. Oui. Merci, Alexandre. La Ramis Wiki. Salut, Alex. Bonne journée. Hey, merci, les cocos. À très bientôt. Salut. Bye-bye. Merci, là. C'était Alexandre Larmiswiki en direct via satellite. Oui! via notre reporter sur place. Exactement. Donc, vous êtes toujours à Assemblage. C'est fou, était là! On est présent, on est hot. Et voilà. Et bonne fête encore. Oui, moi j'ai eu du plaisir. J'ai un peu de larmes dans les yeux parce que j'ai trop ri. On est deux, vraiment là. Ouais. On va se remettre de nos émotions. Oui, il faut s'étendre. Un court passage vers ceci. Et à tout à l'heure. Ah. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est quoi, le mercredi 23 octobre 2013? Cette liaison-là a moins de sens que les autres liaisons d'octobre. Deux octobres, ça va. Premier octobre, ça va. Ouais, 21 octobre. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu Plante. Est-ce que t'es prêt à... Prêt, premièrement. T'es un gars, premièrement. Toujours. C'est ça? On est toujours prêt. À accueillir Stéphanie Paradis, qui elle est une femelle. Oui, ça va. Une femelle. C'est ça. Oh oui. Oh oui. C'est un peu dégradant, mais ben, OK. Une femme. Une femme. Salut Steph! Hello. Bon matin! Eh oh, Stéphanie! Eh oh! OK. On vous promet de ne plus parler d'Alexandre Lamise Wiki pour le reste de l'émission. Oups! Je vais m'échapper. Oups! Puisque c'était sa fête. Ah! On vient d'en parler encore. Non! Voici une nouvelle entrée du côté francophone. Les chercheurs d'art, tout explose. Et après ça, c'est 16 semaines de réponse. Non! Je n'aurais jamais pu penser que tout erreur avait son bon côté. Toi, tu lis l'avenir dans nos traces et tu gardes beau à la surface. Alors, verdict, les amis, je pense que. J'espère que les gens l'ont savouré à Assemblage Requis, parce que je pense pas qu'ils vont jouer. Non, c'est. Non. Ça a été unanime. Toi, ça a été unanime après, je pense, les 10 premières secondes. C'est ça, à peu près. Mais ça c'est rare. Steph. Ouais. Ouais. C'est rare qu'on le dise en ondes quand on n'aime pas ça, mais tu sais, les nouvelles entrées du palmarès sont évidemment pour tout le monde. Ben oui. Ça peut arriver que nous, on n'aime pas. Là. Mais bref. Qu'on aime moins. Qu'on aime pas. Non, qu'on aime pas. Qu'on n'aime vraiment pas. Mais c'était les chercheurs d'or. Avec Tout explose, j'ai bien aimé les autres pièces, surtout anglophones. Mais là, on parle pas de la qualité sonore non. ou quoi que ce soit du travail des artistes. C'est très subjectif. C'est le style qui ne nous convient pas du tout. Mais voilà. Pas pantoute. Genre. Genre vraiment pas. Maintenant, tu sais, des choses qui me conviennent, par contre, c'est évidemment de m'endetter. Pour des choses qui ne sont pas tout à fait utiles. Voici, ça existe, mais ça devrait pondre. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique des gadgets inutiles. Et on accueille Stéphanie Paradis. Bon matin. Bon matin. Ça va bien, évidemment, parce que t'es là. Hein? Ça va très bien. Moi, la dernière chose que j'ai entendue d'Assemblage Requis avant de rentrer dans le studio, c'était « Bienvenido ». En tout cas... JP, un espagnol vraiment à trois. Impeccable. Hors du commun. Donc, parlons pour commencer. Tiens, les espagnols, je pense qu'ils sont des grands fans de noix, hein, mais qui ne l'est pas? Justement, j'ai justement découvert hier que je trippais sur les pacanes. Ah, c'est bon les piquines! Mais là, à ne pas confondre avec les noix de Grenoble, quand même, ça ressemble un peu à l'œil. Trop sèche, hein? Trop. Pacanes, ouais. Là. Et à ne pas confondre avec les pékins. Ben, y a des gens qui disent des pékins. Des pékins? Les, oui, les pélicans? Les pélicans, je pense. Donc ici, ce sont des noix de macadamia. Comment est-ce qu'on dit en français? Macadam, macadamia? Macadam. Macadamia. Tout simplement. Mais à saveur de cam. Tu sais, la célèbre viande en canne de cam. Ah. Avec une petite clé sur le côté, qui est un genre d'aluminium ou je sais pas trop quoi. Là. Ben voilà, donc des noix, c'est super pratique à transporter. Il y a plein de saveurs de nos jours, mais au spam, aux États-Unis, il y a pas ça du spam, ou au Canada, du cam, par la compagnie Amacua. Et donc, c'est des noix de macadamia, à savoir de cam, disponible chez Arnott, le site qui est au www.arnott.com, HAW. Et puis, ça coûte 4 $ américains par canne de 4,5 onces et 7,75 pour 10 onces. Moi, je me demande, tu sais, on pourrait faire un bon gag avec ça, du genre, on est en train de manger, puis pendant qu'on mange, il y a plein de spam qui nous pop-up dans la face. Ah, du spam! Du spam! Comme les courriels! Oh, oui, oui. Enlarge your ass wreck! Pap! Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Je sais pas. Mais il y a juste une façon de le savoir. Clique dessus. Ah! Hey, c'est comme la pub live. Oui, oh c'est aussi mauvais que la vraie. Oui. Hein? Oui, moi, je me demandais. Next! Des noix de macadam au cam, là. Je veux dire, me semble, tu fais des biscuits aux noix de macadam, c'est supposé être sucré, là, tu sais, comme au Subway, genre. Oui. Mais ils vont-tu faire comme des biscuits aux noix de macadam à saveur de cam? Me semble que ça va être perturbant. À saveur de bacon. Ah, miam. Ouais, je pense que je te donne le point. Comme du chocolat au bacon. C'était bon? C'était. J'ai quand même aimé ça. C'était, il y en a plus. Il y en a plus. Hein? Non, mais celui à la barrique, là. C'était excellent. C'était excellent. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ils ont du aussi à la barrique, 41-110, Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Ils ont du au chip. Chocolat au chip. Chocolat au chip. Mais il y a aussi chocolat, mais tu sais, les petits bonbons là, qui crépitent sur la langue. Il y a du chocolat aux bonbons crépitants. Wow! C'est malade, là. Y a-tu des chocolat chips? Chips? Ah, j'avoue, des chips au chocolat, je sais pas. Non, des chips de chocolat. Ah, ouais. On se parle. Tu sais, comme des chips de bois, là. Ouais, bon. Mais de chocolat. Bon, en tout cas, bref, la barrique 49-110, pour voir les forces. Maintenant, on parle d'une roue à hamster. C'est toujours bien intéressant, fort intéressant, certains diraient. Une roue à hamster, mais ici pour les humains. Disponible gratuitement sur Craigslist à Brooklyn, New York, pour la personne qui s'appelle Sandra Z. Et on va aller voir sur Craigslist si elle a réussi à vendre ça. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, dites-moi. Ça a été donné, je crois. Ah, c'est le fun. C'est un lien de blog qui mène vers un autre blog, qui mène vers un autre blog, qui mène vers un autre blog. On ne se rendra jamais jusqu'à Craigslist. Mais quand même, c'est bon, hein? On t'écoutait pas. Merci, si, je m'écoutais pas non plus. On t'écoutait pas du tout. Parce que, écoute, pour expliquer aux gens, tu nous décris ce qui se passe, mais on le voit sur l'autre ordinateur, moi et Steph, ce qui se passe. J'essaie de le décrire pour les gens à la radio, mais vous avez l'honneur de le voir en live. En live. Et puis, juste à côté de ce que tu parlais, en fait, ils nous vendent des bobettes qui coupent l'odeur de flatulence. Oui! Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Parce que je l'avais mis dans ma chronique un petit peu plus tard. En plus, parce que l'image, c'est parce que l'image, c'est hilarante. Là. La fille est vraiment crampée. Elle est comme courbée, les fesses sorties. Les mains contre le mur. Oui, non, les mains contre les genoux, ce qui donne une position un peu plus coquine. T'as raison. Et puis, le gars est en chess. Il a les cheveux très bien préparés, puis il a la face dans les fesses de la fille. Dans ses fesses. Oui, mais en bobette, là. Ouais. Puis là, c'est comme, tout le monde est heureux. Là. La fille est vraiment heureuse de pouvoir péter dans la face du gars. C'est ce qu'on veut tous faire. Oui. Donc, les shreddies, c'est des sous-vêtements pour femmes et pour hommes avec une couche de quelque chose de chimique qui a été testé, en fait, qui s'appelle le Zorflex. C'est du activated carbon dans les fesses et ça neutralise les odeurs de pète avant d'offusquer l'autre personne. Ça fait rien pour le son, par contre, donc il faut faire attention. Le modèle pour femmes coûte 30$, le modèle pour hommes 40$ et apparemment le carbone c'est réactivé à chaque fois qu'on lave les bobettes. Évidemment, je sais pas si tu laves les bobettes avec d'autres vêtements, si le pet s'en va à tes autres vêtements. Ça veut-tu dire que t'as juste droit à un pet par port de sous-vêtements? Ça ressemble à ça. Ben, c'est correct. Tu mets une patère avec plein de bobettes. Une corde à linge à pet. Oui, dans ton bureau. Ensuite, Terry Burton et Gina Kim ont travaillé sur un signet électronique nouveau genre 2014, Super New Style, New Shit. Donc, l'équipe mari et femme, dans le fond, ils ont fait ce signet-là électronique avec une interface tactile minimaliste. C'est le e-bookmark qui est fait en bois de balsa. Et à l'intérieur, il y a des lumières LED et une bande sensible au toucher, donc au tactile, et une pile ainsi qu'un processeur Atmel 8 bits. Il y a une switch en haut pour pointer soit vers la gauche ou vers la droite. Donc, les lumières LED, c'est ce qui va déterminer à quelle ligne tu es rendu dans ton texte. Ah. Et il y a la flèche qui va pointer vers la gauche ou vers la droite pour te dire que tu es rendu à la page de droite, etc., etc. Et tu peux en plus l'allonger. Il y a comme une rallonge, comme une table au milieu où tu peux l'allonger pour un plus grand livre, comme mettons une encyclopédie. Évidemment, c'est fait pour être artistique. Ce n'est pas un produit qu'ils vendent en ce moment, malheureusement. Mais un jour, peut-être qu'on verra ça, un signet intelligent ou presque. Wow, c'est cool. Ensuite, si vous aimez vous promener en train et que vous allez à la ronde, par exemple, JP, ton manège préféré, tu m'as déjà dit, c'est le petit train pour enfants. Le chouchou. Le chouchou. Toi qui es évidemment un nain, tu peux rentrer dedans oui. Facilement, non. Donc, ce petit jouet pour enfants maintenant qui est disponible aussi pour toute la famille, parce que comme ça, vu que t'es dans ta propre cour, t'auras pas honte de te promener avec ça. Ben non. Ça coûte seulement 23 000$ pour aller se promener avec ce petit train-là, qui est basé sur le Classic Narrow Gauge 260 Baldwin Mogul de la fin du 19e siècle. C'est une sorte de train. Et ça fonctionne avec 4 batteries de 250 watts et 24 volts. Et puis, pardon, pas des batteries, c'est des moteurs. Et ça va vous donner assez d'électricité. Moi, je connais tellement rien à ces termes-là. Assez d'électricité pour accepter jusqu'à 1600 livres de poids. C'est à peu près ce que je comprends de ça. Et pour les rails, tu vas avoir 228 pieds de track de 7 pieds, 7 pouces et demi de large, assez pour créer un ovale de 60 par 80 pieds et même un système de son de 50 watts pour les chouchons du train. Wow, mais ça prend quand même un grand terrain, là. Un grand terrain, pourtant un grand terrain. Puis un grand budget. 23 000$, tu peux t'acheter une auto neuve puis faire des tours de char. Déjà que je veux même pas acheter de petits trains, mettre autour de mon sapin de Noël parce que je trouve ça trop cher. J'en mettrais pas un dans ma cour certain. Là. Si on se cotise, là. Oui, c'est ça, tu pourrais planter un grand sapin dans ta cour, mettre le petit train autour, mais il faut pas qu'il y ait de neige. Oui, ou encore, à la place de s'acheter une décapotable, c'est fou, on pourrait avoir le petit mini-train de chouchou, c'est fou, à 23 000 $. Puis ça pourrait nous promener dans le pavillon. Oui, pour aller distribuer le journal. Oui. Puis ça pourrait faire le bruit du métro à place. Dans le bureau, pour aller se voir aussi en chaque bureau. J'ai parlé au boss. Aller à chasse pour prendre un café. Oui. Fait qu'il va y avoir plein d'arrêts. Prochain arrêt, chasse-galerie. Ou comme t'as dit, tu remplaces ça pour les bruits du métro, puis ça dit genre, cette semaine en spécial, 2 pains pour 3,99$. OK, c'était un métro-là. Ensuite, c'était pas drôle, la Pico Brew, qui est un système pour faire sa propre bière à la maison. On veut toujours, évidemment, économiser sa Coors Light. Hein? J'imagine, c'est un projet Kickstarter. À 1600$, c'est un appareil qui fait de la bière avec des grains de haute qualité en appuyant sur un bouton. T'ajoutes de l'eau. Des grains et c'est des grains de houblon, je crois. Exactement, du grain de houblon ou de l'orge ou les deux. En tout cas, là, je vois du houblon, là. Alors, on reconnaît le houblon. Maintenant, on a l'œil facile pour détecter le houblon. Donc, t'ajoutes les ingrédients selon ta propre recette ou les recettes de la communauté Pico Brew sur Internet. Et 3h30 plus tard, t'as ton keg prêt à être déconnecté, fermenté pendant une semaine et puis party time! Wow! Ça a l'air bon! Ça a l'air bon. Il reste rien qu'à la gazéifier et la filtrer 3 fois pour avoir... puis aller la chercher dans une montagne. Pour la gazifier, peut-être que notre père de Bobette de tantôt accumule les gaz. C'est ça, boisson gazeuse. Ouais. D'accord. Milad Moudir a inventé ce qu'on appelle Clocky Talky. C'est une alarme, un petit, dans le fond, un réveil matin que tu mets sur le bord de ton lit, mais qui est aussi un walkie-talkie, ou un peu comme un CB, si on veut, dans un camion. Donc, c'est une alarme avec un intercom radio. Et donc, l'autre personne peut réveiller sa douce moitié en criant « Lève-toi, chérie! » Un commis d'épicerie, allez, quatre! Deux pains pour 3,99 $. Donc, le clocky-talkie, qui a un design très simple et très compact. C'est très joli, je trouve. C'est comme un genre de cube de bois. Ça vient en paire et tu peux acheter un paquet d'autres appareils et les mettre ensemble. Et donc, tu vas pouvoir envoyer le message à tous les réveils matins de la maison. Mettons, la mère pourra dire à... Ça fait stéréotypé. Le parent pourra dire à ses nombreux enfants de race multiple. Réveillez-vous, les enfants! Oui, voilà. On pourrait avoir ça au bureau? Oui. Oui, Mathieu, tu peux-tu venir ici? Au prochain bip, il sera 11h. L'heure officielle de C'est fou. Et tu peux te mettre sur un canal précis si tu veux vraiment parler à juste une personne, même si tu as, mettons, 10 clocky-talkies. Tu pourrais parler juste à, mettons, J. Ça fonctionne. Une unité peut se rendre jusqu'à 0,6 000. Et tu peux le débrancher. Il y a des piles 3A dedans si vous voulez l'utiliser sur la route. Il y a aussi un thermomètre intégré. Sur la route? Oui, pour te réveiller quand tu conduis. Genre. Donc, c'est ça. Il y a un thermomètre intégré. Je sais pas, le cube m'a pas l'air très confortable ni dans la bouche, ni dans les fesses, mais quand même. Je pense pas que c'est un thermomètre corporel. Ah, ça doit être un thermomètre pour la température ambiante, j'avoue. Je crois. L'erreur était facile. L'erreur était facile à faire, Mathieu. OK, et je peux-tu me mettre dans les fesses quand même, est-ce que je voulais dire? Oui, tu peux. Non, mais l'erreur était facile à faire, c'est un gag. C'est un gag d'annonce. On a déjà fait une annonce de même. On en fait char tellement. Et de la bono. C'est une erreur facile à faire, Mathieu. C'est une phrase que j'aimerais réutiliser, d'ailleurs. Ben là, c'est ce que je viens de faire. Ben oui. Dans une pub. Tu vas pas trouver si bonne. Non, c'est ça. Fait que peut-être que je m'en rappelle pas. Je me rappelle des « ouais » et des « oui, oui ». Oui, oui. Mais celle-là, j'avoue que je m'en rappelle pas. Ensuite, si tu vis dans une place où il fait froid, Colin, je pense qu'à Trois-Rivières, c'est pas mal le cas. Donc, on vit dans un endroit où il fait froid. Il te faut les BearTech Gloves. C'est des gants qui sont faits pour permettre à l'utilisateur le contrôle complet de ses appareils via Bluetooth. Oh. Et là, on parle pas d'avoir des petits boutons au bout du gant pour aller sur ton iPhone. C'est pas ça qu'on demande. Là. On demande du Bluetooth. Donc, il y a trois versions du gant disponibles pour les motocyclettes, le ski ou encore pour les sports extérieurs. Trois versions, trois prix. Hein. Une version des gants est aussi disponible pour vous donner le contrôle d'une GoPro avec le Wi-Fi. Et bref, c'est que tu vas toucher avec ton pouce pour allumer ou éteindre en touchant un différent doigt. Par exemple, si, mettons, ton pouce touche à l'index, c'est dur de faire des phrases, ça va faire play ou pause. Et puis, à un autre endroit, tu vas pouvoir refuser ou répondre au téléphone. Tu peux changer de piste avec le majeur. Des affaires comme ça. Power on, power off, dépendant du doigt. C'est vraiment cool. Très cool. Pour les prix, j'avais les prix à la fin de l'article. C'est 250 $ pour le kit pour juste la neige. Motocyclette, 275 $. Et pour Winter Classic, 225 $. Pas mal ça. Je trouve ça cool. C'est bien. C'est beau en plus. C'est pas des gants affreux non plus. Ouais, ils sont très beaux. Ou Gore-Tex, je sais pas trop. Gore-Tex. Je dis n'importe quoi, je sais même pas ce que c'est du Gore-Tex. Ensuite, pour quelqu'un qui a des tatous sur ses bras et qui veut travailler dans un endroit public, un endroit de classe, il faut évidemment couvrir ses tatous. Et c'est bien beau le maquillage comme le Derma Blend. Je ne sais pas si vous connaissez le Derma Blend, qui est du maquillage pour mettre par-dessus les tatous, comme du concealer, mais. Ouais. De bras, mettons. De bras, chest. Là. Chest bras. Non, on parle pas de ça. Tout le monde en parle. Donc, c'est ici, à la place, c'est un genre de bas collant, je dirais, ou un bas normal, genre en texture qui ressemble vaguement de très très loin à de la peau. Et tu t'insères ça sur le bras. T'as différentes longueurs. Tu peux les acheter. Ça s'appelle les Tad Jackets. C'est sur Amazon en ce moment même. Pour 16 $, c'est en stock. Et donc, c'est facile et temporaire de cacher vos tatous. Ça paraît pas du tout, tu sais. Non, mais pardon. Non, mais c'est pas chic, tant qu'à ça, on met un chandail à manches longues. Ouais. Je comprends pas, mais bon. C'est l'idée de la chronique aussi. Et ça protège des rayons UV. Et Wow! Ah, ben oui, comme n'importe quel bout de tissu, finalement. 16 $ pour un bout de tissu, on aime ça. Le prochain et mon préféré de la semaine, je crois, c'est un transporteur à trio dans un restaurant de fast-food. Donc, c'est un morceau de carton. Oui, c'est cool. On voit un gif animé en ce moment. Donc, ça a la forme finale d'un sac, mais en gros, c'est un carton avec un carton très, très long horizontalement, ben, ou verticalement, dépendant de quel bord tu mets sur ta table. Et dans le milieu, il y a un rond. Sur les côtés, il y a des petites pochettes pour mettre les frites et d'autres affaires comme ça. Le rond, évidemment, c'est là que tu passes ta liqueur. Et le tout va se snapper. ou c'est du carton, donc ça va pas vraiment se snapper. Ça va juste rentrer un petit peu comme dans une boîte de bâton. Là. Et tu vas pouvoir après ça transporter avec ta poignée ton trio. Pas pire, ça. C'est vraiment cool. Frites de bord, un burger de l'autre, la liqueur dans le milieu. Vraiment cool. Je suis parti pour la gloire. Les croquettes rendues à place du burger, tu penses? Oui. Okay. Ça, il y a le fun. Évidemment, okay. Pour l'instant, et là, vous allez être malheureux et triste comme moi, mais on n'a pas plus d'infos par rapport à quand est-ce qu'on va pouvoir se le procurer et où. C'est peut-être un concept et peut-être qu'il y a des restaurants qui s'en servent déjà, mais moi, je m'attends à ce qu'on voit ça arriver très bientôt. Je capote sur l'idée. Mais pour vrai, c'est vraiment cool. Je veux dire, quand tu débarques de ton auto, tu as tout le temps les mains pleines, tu sais jamais quoi faire avec ta liqueur. Puis... Il faut que tu ouvres la porte, les clés. Oh, finalement, tu te rends compte que tu as l'épicerie en arrière. Oui, les enfants. Oh. De races multiples. Non, oui, non mais... si j'avais eu des enfants, je leur aurais dit amène dans le liqueur. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est difficile, par contre, c'est que si tu mets dans la voiture, je sais pas si ta liqueur. Ah, c'est sûr que tu peux le mettre dans le porte-liqueur, j'avoue. Je le disais parce que sinon, tu peux pas le mettre sur le siège, mais dans le porte-liqueur, c'est en masse. Ben oui, ça tient. Exact. Ensuite, toujours dans le domaine du fast-food, on a toujours de la difficulté quand on est à la maison. Évidemment, c'est tellement difficile de se faire des frites et de manger du ketchup avec dans l'assiette. Là, attends un peu, il y a des crudités aussi. Mais mettons pour des frites. Là. Tu dompes tes frites dans l'assiette et tu mets du ketchup à côté. Le ketchup va sur les frites, ça devient mou. Tu veux pouvoir tremper dans un gobelet. Ici, c'est le French Fry Dipping Cone. C'est vraiment comme un genre de cornet. Dans lequel tu insères tes frites d'un côté et de la trempette comme du ketchup de l'autre. C'est du plastique, le contenant, sans BPA, avec le petit truc à trempette qui est enlevable, amovible. Et c'est 5$ par petit cornet. Ça rentre pas des tonnes de frites ou de crudités, c'est pour toi. Mais il n'y en rend pas tant que ça. Mais quand même, c'est cute. C'est cute. Cool. Tu reviens du McDo, là, excuse-moi, d'un restaurant de fast-food quelconque. Et tu donnes le tiers de tes frites dans ton petit bac, tes manches, tu mets le deuxième tiers. C'est long. Le deuxième tiers. Ouais, et le troisième tiers. Après ça, logiquement, le quatrième tiers. Oui. Ça. Ensuite, parlons de chat. Tiens, parce que vous buvez à la maison, vous êtes un alcoolique fini, mais votre chat, il vous regarde, il fait comme... Puis moi. Ah, tu vois, j'avais la traduction simultanée. Ton chat dit... Puis moi. Pas moi. Donc, ton chat veut boire lui aussi. Il te faut du vin non alcoolisé pour chat. Ah, c'est merveilleux. Quoi ne pas avoir, hein? C'est pas comme le beurre de peanut pour chien, mais là, c'est du vin pour chat. C'est la même chose, mais sauf le fait que c'était du beurre de peanut et sauf le fait que c'était pour un chien. Donc, c'est comme le contraire. Ben là, c'est quand même de la nourriture qu'ils ne sont pas supposés manger. Tout à fait. Donc, c'est une compagnie japonaise de suppléments alimentaires qui s'appelle B&H Life qui vient d'introduire le Nyan Nyan Nyovo. Qui est une bouteille de... Ça, c'était miau en japonais. Oui. OK. Nyan, nyan, miau, miau. Miau. En français, miau. Moi, je pensais que ça ressemblait plus à Young Ring. Ou l'om l'om du rock. L'om l'om. Donc, c'est du vin non alcoolisé fait à partir de cabernet sauvignon, donc de raisin cabernet, de vitamine C et de d'herbe à chat, en fait. D'herbe à chat pour l'exciter un petit peu plus. Donc, dans le fond, il voulait, j'imagine, mettre un petit peu l'effet que l'alcool ferait sur un humain. Avec l'herbe à chat, c'est l'effet que ça fait sur un chat qui a l'air sous un petit peu. Avec l'herbe à chat, ça serait pas plus comme une boisson énergisante? J'avoue, hein? Ben, mais moi, c'est le feeling que j'ai. Certaines personnes, le vin les excite pas mal, ça. OK. Genre qui ferait n'importe quoi pour du vin, fait qu'ils sont excités. Mais... OK. Ensuite, on se promène en moto. C'était bien à la mode, les motos, en ce moment. Il y a une compagnie qui s'appelle Scully Helmets qui vient de sortir un nouveau casque très, très cool qui s'appelle le Scully P1. C'est un casque qui a une caméra à l'arrière qui vous montre, donc, dans le fond, devant toi, dans ton casque. Tu vois ce qu'il y a derrière toi. C'est quand même cool et ça va éviter les angles morts. Tu as une vue à 180 degrés. Le casque est aussi capable de se lier à un téléphone intelligent et va offrir le contrôle vocal pour les appels, la musique, le GPS. Et le casque utilise ce que Scully appelle Synapse HUD, ce qui veut dire qu'il va y avoir dans tes lunettes, un petit peu comme dans ton casque, un peu comme les Google Glass, un écran qui va t'apparaître à une distance de 20 pieds devant toi, mais c'est dans ton casque qui apparaît. C'est juste que tu as l'impression que c'est à 20 pieds de toi parce que c'est tout petit. Donc, tu as la vue standard de la caméra qui est derrière toi, donc pour pas avoir à te virer. Et aussi le GPS un peu à la genre style course de jeu vidéo de course, là, où tu vas voir ton trajet sur GPS. Le casque fonctionne sur Android et le prix et la date de sortie ne sont pas encore annoncés. Allez voir la vidéo, c'est vraiment cool. Mais il est vraiment beau, le casque. En plus. Il est très chic. Vraiment. C'est le Scully. On attend le Mulder qui va dire que tout est insolite. Comme vous le savez, les diètes, ce qu'on appelle les crash diets, souvent ça ne fonctionne pas. Selon bien des experts, les diètes comme genre j'arrête de manger et je mange que des légumes pendant des mois, ça ne fonctionne pas. Donc ce qui fonctionne, c'est de faire attention à ce que tu manges plus à long terme et faire de l'exercice et d'avoir un meilleur style de vie. Et évidemment, pour vous aider, on vous présente le Stink Yourself Slim. C'est une bombe odorante en bouteille. Donc, c'est pas pour faire des blagues aux gens comme on ferait avec une bombe dans les toilettes, une cherry bomb, comme on appelle. À la place, c'est que tu sprays ça et ta nourriture va sentir vraiment mauvais. Dans le fond, tu sprays un petit peu partout et tu sens ce spray-là, pas nécessairement de le mettre sur ta nourriture, parce que je me demande si c'est peut-être toxique. Je pense que tu fais juste un petit spray dans les airs, tu le sens, ça sent très très mauvais, ça t'enlève ton appétit, tu manges beaucoup moins. C'est écrit par Alex Fontaine, inspiré par un événement dans la vraie vie où une moufette était arrivée dans leur buffet, là, et puis avait gâché l'appétit de tout le monde. Oui, mais c'est déprimant. Ben oui, vraiment. Là. Je veux dire, manger, c'est tellement un plaisir dans la vie, j'ai pas envie que ça goûte la moufette. Et je veux savoir combien de temps il sent ce spray-là. Est-ce que tu peux faire ça, mettons, au souper, mais que les autres repas soient parfaits, ou juste au dîner? Ou... Si tu fais ça au bureau, tout le monde va chialer. Ben oui. Faut que t'ailles dans la salle de bain, puis là, tu fais un spray, puis le coup d'un, tout le monde pense que tu pues la moufette quand tu vas aux toilettes. C'est pas une bonne chose. Ensuite, ça c'est fantastique, c'est une réplique officielle du petit trésor, vous savez, dans Legend of Zelda. Donc un petit coffre-fort, et ça va venir ça avec l'édition deluxe de Legend of Zelda A Link Between Worlds. Et d'ici la fin de l'article, je vais vous faire entendre le son parce qu'il y a une petite affaire. Donc ça peut emmagasiner ou garder jusqu'à 3 cartouches de Nintendo 3DS à l'intérieur de son coffre. C'est un tout petit, là, on le voit sur le Vine qui est en bas. Le Vine. Ça, le Vine, bravo Jean-Philippe, c'était oui. Pour toi le Vine. Donc ici, voilà, pour aller entendre le petit Vine, évidemment les Vines c'est bien répétitif et ça joue tout seul. Donc on va arriver sûrement en plein milieu du clip, mais on va pouvoir entendre le son que ça fait. Attention. Ah! Rejoue! Oh, surpris. Mad, t'imagines avoir ça? Oui. Comment c'est cool? Moi, je capote. Donc, c'est ça. Ça a été montré par le producteur Eiji Aonuma et le président de Nintendo, Satoru Iwata, dans une vine que vous pouvez trouver sur assemblagereki.com. Même chose, on reste dans le domaine de Zelda. C'est des petits cœurs que vous pouvez vous fabriquer pour votre tête de lit. Tu sais, quand le soir arrive, peut-être que vous allez pouvoir enlever des cœurs pour vous dire que je suis mort. Et quand vous levez le matin, vous installez vos quatre cœurs pour dire « Je suis en forme, ma vie va bien ». Oui, des petits cœurs comme dans Zelda. Mais dans le fond, c'est pas à acheter, c'est à faire soi-même. Les instructions sur assemblagereki.com. Et puis, on va y aller avec ce que j'ai fait avec un dernier, au moins, deux derniers, tiens. Un stylet qui fonctionne aussi comme stand pour votre téléphone intelligent. Donc, c'est le Upright Universal Smartphone Stand and Stylus, qui est une combinaison, dans le fond, de stylet pour écran tactile et de stand. Donc, il y a une petite craque dans le crayon où vous pouvez insérer votre téléphone et il y a une patte de caoutchouc au bout, ça va tenir sur la table. Oh. Évidemment, on peut pas faire les deux dans un. Moi, il me faudrait deux de ces affaires-là pour pouvoir utiliser le stylet pendant qu'il est à côté sur la table. Ouais, mais c'est parce que t'as une partie qui cache l'écran quand même. Là. Aussi. C'est fait pour regarder des petites vidéos sur YouTube. Et pour terminer, le scoreband. Tu sais, on a tout le temps de la difficulté à se rappeler des scores. Mettons, tu sais, vous jouez au jeu. Comment est-ce que vous appelez ça, le jeu qu'il faut pas savoir que ça existe? Là? Ben là, je viens de perdre. Je viens de perdre. Non! Tu viens de faire perdre la Mauricie au grand complet. Ah! J'espère que t'es fier de toi. Oui, en fait. Très fier de moi. Est-ce qu'on explique le jeu? C'est aussitôt que tu parles du jeu, ben t'es mort. Tu perds. C'est The Game. C'est The Game. Donc, c'est Scoreband 4-in-1 Digital Scorekeeping Wristband Watch. Hein? Très, très accrocheur comme nom. Ça a un mode tennis, un mode golf, l'heure et un score en général, donc un mode générique et qui peut être utilisé pour compter n'importe quoi. Donc, que ce soit des tours dans une course, un inventaire. Donc, c'est que vous pouvez appuyer sur les boutons et faire monter le score et le score continue de se tenir en temps réel pendant toute la durée de vie de la pile. Donc, vous pouvez lancer des balles de baseball, faire n'importe quoi, compter des élèves dans une classe, quelque chose comme ça. Donc, sans se faire distraire, sans perdre le compte. Tu sais, quand tu dis, bon, c'est 3-2, là, tu t'en rappelles plus, c'était-tu 4-2, c'était-tu 3-2, c'était-tu 2-3 pour moi, c'était-tu 3-2 pour toi. En tout cas, 4 grandeurs différentes, 8 couleurs, et le scoreband est résistant à l'eau, donc hydrofuge. Et son truc, son bracelet est en silicone. Cool! Voilà. Cool! On peut mettre au four. Oui! Faire des petits muffins sur ta montre. Voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh là. Tu vas pouvoir les compter, par exemple, tes muffins. Oh, hein? C'est là l'affaire. Ouais. Ah, ben oui. Ben oui, c'est ça que ça sert. C'est là pas mal. C'est ça, ça sert. C'est ça, ça sert. Alors, on prend une pause, on revient avec les petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Restez. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Oh oui, bon, donc vous êtes toujours à Assemblage requis. Et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et Stéphanie Paradis, là aussi. Ok, oui. Ok, oui. Et Stéphanie, Caroline, aux deux semaines, on s'ennuie tout le temps de ta chronique. Ben ouais, essaye pas, là. Non, je te jure. Je suis sûr que non. Je te jure. C'est comme pour moi dans la vie, il n'y a pas grand chose que j'aime. Tu sais? J'essaie d'amener ça sur j'aime pas, mettons, qu'est-ce que j'aime pas. Non, ça serait trop long à dire. La toune qui est passée tantôt, là. La toune qui a, oui, les chercheurs d'art, j'ai pas aimé ça. Les PC. Les PC, j'aime pas les PC, c'est vrai, c'est vrai. Certaines personnes, peut-être, des fois. Le sport. Le sport, oui. L'extérieur. L'extérieur. Parce que c'est pour les autres. Le froid. Le froid. Le chaud. Le chaud. Le tien. Le haut, le bas, le start select. Mais ce que j'aime, c'est les petits bonheurs. Stéphanie Paradis, ses petits bonheurs, bonjour. Bonjour. Hello. Tu nous parles d'un sujet qui est proche de nous en termes de temps. Ben oui. Fait que moi, cette semaine, j'ai décidé d'être super originale puis d'y aller avec une thématique saisonnière. Donc, je vais vous faire les petits bonheurs de l'Halloween. C'est du vent. Oui. C'était vraiment du vent. C'est tellement halloweenesque. Donc, par contre, je suis certaine que cette fois, ben, ça sera pas trop compliqué de vous convaincre que l'Halloween, c'est une des meilleures choses que cette terre ait portées. Hein? Oui, des bonbons, des bonbons. Donc, je pensais même créer une pétition pour que l'Halloween devienne un jour férié. Parce que selon moi, c'est son seul défaut. C'est oui. Pas un jour férié. C'est pas mal meilleur que, je sais pas, tous les jours fériés qu'on a. Action de grâce. Action de grâce, hein. Pauk. Il y a des places où... ben, je sais pas si tu vas en parler, je veux pas voler de poche. Non, j'en parlerai pas. Mais il y a des places, il y a des villes que l'Halloween est le samedi le plus proche du 31. Ah, intéressant! Oh, ouais. Ben, ça devrait être ça. Ouais. On est donc bien losers. Mais hein. Bon. Ben, c'est pas l'Halloween pour de vrai. L'Halloween, c'est le 31. Puis là, il y a confusion. Parce que là, tu peux aller dans la ville où ils font ça le samedi, plus dans ta ville, deux fois plus de bonbons. OK. C'est comme passer l'Halloween avec sa mère puis avec son père dans les deux familles différentes. C'est une petite crasse. Crasse. Ouais. On mettra ça dans les instructions d'assemblage. Voilà. Il y a un deuxième défaut aussi à l'Halloween, c'est qu'il fait toujours trop froid pour passer l'Halloween sans manteau. Fait que quand t'es petit, t'es fâché de cacher ton costume avec ton manteau ben oui. Ou encore de tout être puffy. Parce que t'as ton manteau en dessous de ton costume. Tu sais, ton costume, il est genre 4 points trop grand. Là. Puis, il se met à faire trop chaud. Alors que c'était pour compenser pour le froid, mais t'as trop chaud parce que t'as un manteau puis un costume. Mais moi, quand j'étais petite, je pouvais mettre juste le costume sans manteau parce que les maisons étaient tellement éloignées qu'il fallait passer en auto. Fait qu'on se promenait en auto, puis on débarquait, on faisait 2-3 maisons pour repartir en auto pour un autre groupe de maisons. Tu faisais salut aux vaches, puis non, il y a des champs de bledins, puis c'est des bledins. Non, il n'y a pas vraiment de champs dans mon. Ben, ah, c'est des chats qui ont à Capcha, c'est vrai. Oui, pas des chats. C'est des chats de chats. Des chants de chats. Des chats de chats. Miaou la la la la! Miaou la la la! Ça, c'était un chant de chat. Un chant de chat. Qui disait je gambade dans le champ. Traduction, c'est vrai. Oui. Donc, oui, ben, je vais commencer avec le premier petit bonheur. Ben, je pense que c'est assez évident, se déguiser. Oui! Hein? Donc, avoir le droit de devenir quelqu'un d'autre sans se le faire reprocher puis se faire demander pour qui tu te prends. Fait que tu peux même jouer un personnage. Ça fait du bien de vivre dans la personnalité de quelqu'un d'autre à l'instant d'une soirée. On peut même réaliser certains fantasmes comme devenir un super-héros ou un personnage surnaturel. Johnny Collière. Jeune écolière. Toi, t'aimerais ça être une jeune écolière? Toujours voulu. Parce que l'Halloween, c'est la soirée idéale pour devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'à la fête du travail ou à Pâques, ben, c'est spécial. ça passe la peine. Ça passe la pain. C'est pas comme le beurre, c'est le pain. Ouais. Ça passe moins bien. C'était une joke de lapin? C'était une joke de lapin et du pain. On s'est essayé, oui. OK. J'ai pas compris. Je vais la réécouter, puis je vais la rire plus tard. Je la note pour toi. Merci, c'est gentil. Aussi, toujours comme en sous-catégorie de se déguiser, c'est avoir le droit de s'habiller en femme sans se faire juger pour les gars. Hein? Oui, tu sais, quand t'es... Exactement, ou en infirmière, ou en pompière. Tout toi, ou en ta règle, c'est pas le premier samedi, c'est juste le mercredi. Oui, c'est tout le temps. Du mois d'octobre. Oui. Dans les mois qui finissent par robe. Obre, oui, comme les. Comme par les robe. Par bre, excuse-moi. Qui finissent par robe, exactement. Par robe. Ah, oh, c'était comme un semblant de blague. Mais c'est toi qui. Non, mais excuse-moi. Mais c'était pas voulu. Mais c'est non, que je suis tellement fort que je m'en rends pas compte. Wow, tu benches 400 de la joke. Oh! Donc, quand t'es un travesti qui s'assume pas, ben l'Halloween, ça peut être la journée de l'année où tu vas te sentir bien dans ta peau en t'habillant en vêtements, avec des vêtements de l'autre sexe. Et en sortant dehors. Oui, que... aussi, parce que tu peux le faire chez toi, là. Oui. Faut que tu fasses attention, par contre, parce que si ça fait 15 ans d'affilée que tu portes une robe, des talons hauts à l'Halloween, ben tu risques quand même de soulever des doutes à un moment donné. Ouais. Change de gang. Fais-toi des nouveaux amis. Ouais. Fais-toi des amis qui portent des robes aussi. Mm-hmm. Ça fait moins... tu sais, plus accepté. Manger des bonbons. Ben là. Ben, tu sais. Facile, ça, là. Ben, je sais bien, mais faut que je le dise. Manger sinon, des bonbons. Ouais. Donc, grâce à, à l'Halloween, grâce à Halloween, on a l'excuse ultime pour manger des bonbons. OK, même si t'as l'air d'un gros porc avec ton sac de bonbons sur tes genoux à regarder la TV, c'est correct, dude. C'est l'Halloween, c'est ça? Oui. Faut que tu passes à travers rapidement. avant que le mois de novembre arrive. C'est ça. Ça te laisse pas beaucoup de temps. t'as aussi... justement, tu peux pas dire faut que tu les manges avant que le mois de novembre arrive parce que le 1er novembre, qu'est-ce qui se passe? Les rabais! Les bonbons sont en spécial! Ah, c'est comme Noël pour moi, ça. Mais c'est merveilleux, là. Puis ils sont pas passés date, ces bonbons-là, non. Là. Donc, c'est le temps de faire le plein pour l'année, puis que finalement, on t'offre juste une semaine parce qu'on on se gave de mini Kit Kat, d'échantillons de Smarties, puis de roquettes. Hein? Puis vu qu'on achète nos bonbons nous-mêmes, on n'est pas poigné avec des kisses puis des peanuts. Non, c'est ça, t'auras pas de tir Sainte-Catherine. Non. T'auras pas. Non. T'auras pas. Mais celle que ma grand-mère fait est excellente, par justement. Contre. Maison, c'est bon. Oui. Ben, celle qui donne d'habitude dans les. À l'Halloween, c'est un casse-dent. C'est manquable. C'est dégueulasse, je veux dire. Il n'y a pas un enfant qui veut ça. J'ai remarqué aussi, c'est les moins chers au magasin. Ben oui, c'est pour ça que ça se fait. Maudit. Mais sinon, tu sais, les pommes non plus, t'auras pas de pommes. Des pommes, ça, c'était dans l'ancien temps. Font plus ça. T'avais-tu des pommes, toi, quand tu passais l'Halloween? Ben, il me semble, on entend tout ça des blagues qu'il y avait des lames de rasoir dans les pommes. C'est parce qu'il y a encore des pommes. T'as-tu déjà passé l'Halloween? Non. Pas depuis 20 ans. Oh, mais c'est ça, quand t'étais petit, t'as-tu eu des pommes? Non. Fait qu'il est où la pomme? J'avais des peanuts, par exemple. Ah, des peanuts. Oh, juste dans ton sac demain? Des peanuts en écart? Oui, oui. Ben oui. Ben oui. Pas des sacs de pinottes écalés, des pinottes en écart. Deux, trois pinottes. T'es jeune, ça t'apprendrait à déguiser en écureuil. Ou en éléphant. Oui, t'en as encore des restants dans les bajoux, si tu regardes comme faut. Oh! Toujours concernant les bonbons, ben on a volé les bonbons à nos enfants quand on en a. Non! Oui. Ou à ses frères et sœurs. Ah, ben oui. Ça, c'est encore mieux. Ah, ils sont tellement vulnérables, oui. Là, les petits-enfants. Tu veux juste les frapper? Non, attends un peu. Oui, on doit juste les voler, là. Tu sais, moi, j'ai le goût de faire des enfants juste pour leur voler leur bord de chocolat puis leur laisser des vieux bonbons laits. T'es maléfique. Mais non, mais en même temps, c'est comme une espèce de vengeance pour ce que moi, j'ai subi quand j'étais petite. Voilà. Voyons donc. Hey, quand je voyais ma mère arriver avec un suçon dans le salon, j'ai dit, hey, ça vient d'où, ça? Qu'est-ce que t'en penses? Puis je disais, lâche ton chum, puis... Ce sont arrivés dans le salon avec eux. Ah, oh mon Dieu! C'est une blague de pédale. Hey! C'est ma mère! Excuse-moi. Fais pas des jokes de suçon avec ma mère! On la salue d'ailleurs. Oui, bonjour, Linda. Non. Justement, elle faisait dire, c'est quoi l'idée de mettre ma fille à 9h? Je peux plus l'écouter, là. Ah, c'est bon, trop tard. Ouf. On est... Bon, hein? Mathieu, t'es correct. On est à la même heure à Capcha. Oh pas my God. Pas dégage à l'heure? Ah. Tellement loin. Je m'en vais. Ben, elle peut écouter la balado-diffusion. C'est quoi le problème? Ouais. What the fuck? Le lendemain matin, elle peut t'écouter en 6h30 puis 7h30, la deuxième heure passe. Ouais. Fait qu'elle peut t'écouter en 6h30, 7h30. Ouais. Ben oui, 6h30. Okay, hey, il y a rien de correct. 6h30, c'est pas non, correct. 9h, c'est pas correct. Faudrait que tu sois à quoi? 8h? Moi, je te fais juste un message, OK? OK. Je fais le message. T'as fait une joke contre ma mère, j'ai le droit de te passer son message, OK? Maintenant, OK, retournons au petit on bonheur. Est de bonne humeur. Les décorations. Ah oui. C'est le temps de changer de décor et pour le mieux, selon moi. Hein, vive les chauves-souris, les vampires, les squelettes, les clowns démoniaques, les blacklights, les machines à boucan, les toiles d'araignée puis les fausses traces de sang. Ouais. Soit dit en passant, meilleure ça. Période de l'année pour cacher un cadavre. Ça de même. Ou un amant et son suçon. Écolière. Ensuite, on peut faire de la bouffe dégueuse. Hein, je veux pas révéler de punch là, à personne concernant mon party d'Halloween si jamais j'ai des invités qui m'écoutent. Mais on a rarement l'occasion d'envie de manger des yeux puis genre des tripes de cochon puis des insectes. Là. À part si tu vas à l'insectarium ou si tu choisis mal ton restaurant dans le Chinatown. OK, gars, je vais vous le dire, là, un resto, là, c'est pas supposé dans l'arrière-boutique d'un magasin de sacoche Coco Chanel. Contrefait. Donc, bref, on boit et on mange de la bouffe à la texture douteuse. Et c'est là le plaisir de la chose. Hein? Oui. Bon. Hein? Oui. Comme dirait ta mère. J'ai déjà vu sur Internet, c'était une idée vraiment merveilleuse. C'était, je pense, je sais pas si c'était de la chapelure ou des biscuits écrasés. Puis c'était dans un bac à litière. Puis dedans, tu mettais comme soit des barres de chocolat. Des barres de chocolat, toutes comme semi-fondues. Puis ça poignait dans les biscuits. Puis tu mets une pelle à litière, mais tu sais, propre. Puis c'est comme si tu mangeais du gros caca de litière. C'est vraiment dégueu, mais tu sais, c'est super bon. Mais c'est dégueu comme ça. J'aime ça. Ça, c'est l'Halloween. Finalement, ben oui, il y a aussi passé l'Halloween. Autant quand t'es enfant que quand t'es adulte. Tu sais, moi, j'ai hâte d'avoir des enfants pour passer l'Halloween avec eux, là. Hein, on se le demande pourquoi passer l'Halloween? Ben, pour avoir des bonbons, oui. Mais aussi pour fouiner chez le monde. Tu sais, genre, ouais, la déco, elle est en maudit ici. Ah. Ou encore, oh, si jamais je veux voler une télé, je sais où aller. Non. C'est une blague. Hey. C'est une blague. T'es de mauvaise influence ce matin. C'est une blague. Puis ta mère. J'arrête. T'es un peu, là, mon père aussi écoute la mort. Il va peut-être venir te casser la gueule. aussi, avoir le droit de dessiner des yeux sur des fruits ou des légumes. Hey, ça, c'est un petit bonheur. Non, mais c'est parce que moi, quand je dessine des yeux sur mes bananes, je me fais toujours juger. Par la banane. Fait que là, alors oui, mais ça me permet de passer mes pulsions de personnification de fruits et de légumes grâce à la décoration des citrouilles. Tu fais dur. Merci. aussi, les émissions spéciales d'Halloween, des Simpsons. Entre autres, des Simpsons. Mais moi, 25 c'est, en plus, c'est ceux-là qui m'ont marqué vraiment le plus. Tu sais, on s'entend, les créateurs des Simpsons, c'est des vrais génies. Ils sont capables vraiment de créer des chefs-d'œuvre d'épouvante et de bizarreries vraiment intenses, là. Merveilleux. Ça commence quand? Ça doit être la semaine prochaine, ça? Ben sûrement, s'ils veulent rentrer toutes les 30 quelques... Mais hier, j'étais vraiment déçue parce que c'était un épisode de Noël. Hein? Oh! À Télétoon, genre? Ouais, c'était perturbant. Ils sont pas forts sur le système automatisé, eux autres, je pense. Hein? C'est... pas vraiment directeur de la programmation, je pense. En TK. Allez. Fait que... Et finalement, l'Halloween, c'est une autre raison de boire. Ça, hein? C'est pas dans chaque chronique, genre. Oui. Les petits bonheurs de l'hôpital, tu peux boire. Les petits bonheurs de déménagement, tu peux boire. L'épicerie, tu peux boire. Salon funéraire, tu peux boire. Tu vas oublier ton calvaire. Mais finalement, c'est ça. Hein? Halloween égale party. Mais j'ai rien acheté là-dessus. Fait que vous pouvez imaginer la suite. Fait que party. Fait que party. Un, deux, trois, partez! À vos marques pré-partez. C'était pas si mauvais que ça. Non! Il y avait tous les acteurs de Ramdam dedans. Fait jamais moi, j'aime Guy Jourdouin. C'est vrai? Je l'aime. Je l'aime. D'amour. Oh. Si tu nous écoutes, 819-376-783 pour répondre à cette déclaration. C'est ça. Genre, je pourrais être ton père. Ouais, ta mère est célibataire. On pourrait la matcher avec Guy Jourdouin, c'est parfait, ça. Lui, il est pas célibataire. Ah. Ça marche pas, hein. Merci, Steph. Fait que moi... hey! Je pense à ça, là. Quoi? J'ai une deuxième page. Un autre malaise? Oui. Non, mais je pense que quand je vais me déguiser, tu sais, vraiment, j'ai quand même la moitié de la face qui va être recouverte et j'ai une perruque et tout. Puis, ce temps-ci, je me fais tout le temps carter. Fait que là, j'ai vraiment le goût d'aller au dépanneur déguisé, voir s'il va me carter. Non. Et si oui, comment il va faire pour me reconnaître sur ma carte? J'ai vraiment le goût d'essayer pour savoir si c'est quelle situation ça va donner. C'est le moment parfait pour utiliser une fausse carte, dans le fond, l'Halloween. Oui. Mais en tout cas, c'est clair. Surtout, c'est sur ta carte, t'es déguisé comme t'es là. Juste pour voir la réaction du gars. La photo, tu l'as pris le matin même. Fait que je vais faire ce test-là. Non, pas le 31, le 2. Fait que je vais me déguiser, je vais aller au dépanneur, puis je vais attendre de voir ce qui va se passer. Oh. Wow, c'était... Tu peux toujours aussi prévoir au cas où que le gars il fasse comme non, tu prendras rien ici. Va-t'en. Mais j'irai ailleurs. Jusqu'à temps que ça marche. Jusqu'à temps que ça marche. Je vais aller ailleurs. T'es vraiment une très bonne influence pour la population trifluvienne. On te remercie énormément. Si vous avez des plaintes, ne pas appeler le CRTC. Ouais, non, appelez directement ici, 376-583. On va leur renvoyer l'appel. Si on va leur décéder. Pot de vin, petite crotte de chat dans le tiers. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, qu'on termine ça avec une belle petite chanson? Je serais d'accord avec toi. Donc, c'est très cliché comme chanson, mais toujours aussi savoureux. Je pense que c'est un classique. Et c'est This is Halloween, tiré du film de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu mets de ça? T'as pas ça, là? Ah oui. Live. C'est des petits bonheurs. Ah, oh, c'est bon, c'est bon. C'est pour ma belle-sœur, c'est pour ma belle-sœur. Toute la famille va être saluée aujourd'hui. Père, oui. Mère, belle-sœur. Père, mère, je vous salue. Je vous salue, Marie. Tu parles du fils de Saint-Esprit. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's our town, everybody scream. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting there to pounce and how you'll scream. This is Halloween, red and black and slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween, I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone with a trace. I am the who in the cold who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. That's our job. But we're not mean. In our town of Halloween. In this town. Don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Woman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. This town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Wow, hein? Ça, ça fait peur. Oui. Alors. Là, j'ai tellement hâte à l'Halloween. L'Halloween. LOL. Ah, ce qu'il faut faire, tu penses à LOL, un spécial Halloween, ça va s'appeler L'Halloween. L'Halloween, je sais pas. Et moi, quand j'étais petit, j'ai une anecdote. Vas-y. T'avais une anecdote quand j'étais petit? Oui. Tu sais, il y a des CD que tu peux acheter là, d'Halloween. Tu sais, ben c'est oui. Pendant une effets heure sonores. Et demie, c'est des effets sonores. Puis quand j'étais petit, j'aimais tellement ça que j'ai pas pensé que les gens l'avaient acheté. J'étais naïf. J'ai essayé d'en faire un, fait que j'avais branché un genre de petit micro d'ordi vraiment cheap, tu sais, dans un enregistreur cassette. Mm-hmm. Exact. Puis je pense que j'avais un fond, j'avais un double lecteur cassette dans le temps, puis tu pouvais enregistrer une par-dessus l'autre, ouais, faire ouais. Des copies. Fait que là, j'avais enregistré par-dessus, puis là, j'enregistrais ma voix de petit gars pas muet. par-dessus la cassette, puis là, je faisais une sorcière, là, puis j'étais comme voulez-vous des bonbons? Ah, oh, si je retrouve ça! C'est comme les tête-à-claque, mais à l'avance. Oui, c'est ça. On va les popper, on va les un avant-gardiste là-dessus. Hey, pour vrai, si ça existe encore, cette cassette-là, là, j'en veux une copie, s'il oui, te plaît. J'ai fait ça pendant une heure, là, tu m'achètes-tu pendant une heure, je dis des conneries. Pour remplir la cassette, genre? Ben oui, oh, wow. C'était important, puis j'ai fait ça clairement pas dans le temps d'Halloween, là, sûrement comme au mois de novembre, parce que je venais de l'entendre quand je m'étais promené là, dans la. À l'Halloween. Tu t'es donné pas mal. Je me suis donné. J'ai trop donné. Carrément. Je le fais plus. Je fais plus jamais ça, me donne. J'enregistre plus jamais rien. On va te donner un prix parce que tu t'es donné. Oui, merci. Rétroactivement. Oui. C'est ma petite anecdote. Ben, c'est parfait, ça. Et c'est la fin de la chronique des petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Ben oui, c'est vrai, on est encore dans la chronique. Ben apparemment, ça siffle encore. Oui. Tout. J'aurais dû laisser finir la chronique puis faire mon anecdote après. Ben non, c'est une chronique halloweenesque. C'est ça. Pas très impressionnant, ça. C'est quoi votre pire déguisement d'Halloween? Que vous êtes déguisé. Je me rappelle hein? même pas de m'être déguisé. Ah mon Dieu, pire déguisement d'Halloween. Ah oui, je le sais. J'étais au primaire, puis c'était pour le déguisement à l'école. Puis j'avais décidé de me déguiser en chat. Puis j'avais décidé que je m'appelais Patte de velours. OK? Mais dans le fond, c'était vraiment dégueulasse. Tu sais, j'étais en jogging noir avec un grand t-shirt noir. Puis je m'étais juste fait des oreilles en carton. Je me l'ai mis sur une passe. J'avais des gants de dehors blancs. T'avais pas de moustache, fait que c'était juste une moustache de vieux monsieur. Que j'avais pris un bon nylon, là, j'avais rempli ça avec des bas, puis je m'étais fait une queue, fait que c'était juste comme attaché avec une épingle à couche sur mes jogging. C'était vraiment dégueulasse. Pourquoi, maman, tu me laissais sortir comme ça? Encore ta mère, on en parle encore en mal. Qu'est-ce qu'elle a mérité? En mal? Est-ce que t'as des photos de ça? Non. Oui, moi je pense que oui. On appelle maman. Non, parce que c'était pas un déguisement officiel. C'était pas comme pour le 31, c'était comme pour l'école. Okay. Mais on offre quand même une cagnotte de 20$ à la personne qui nous ramène cette photo-là. Puis d'ailleurs, on a une cagnotte dehors, un petit pot, c'est marqué donné pour Steph. C'est ça. Donné généreusement. Ouais. Moi, je pense que mon pire déguisement d'Halloween, rapidement, c'est... je m'étais déguisé en clown, mais tu sais, avec un cerceau, là. Oh! C'était vraiment pas beau. Non, c'était pas beau. Mais moi, c'est très drôle. Parce que j'avais une fois où j'avais été déguisée en clown, puis j'avais un super de beau maquillage. Mais tu vois, le avant et après de la soirée, tu sais, quand t'as 3 ans, puis tu vas dans une salle, puis il fait chaud, fait que t'as le avant, le beau maquillage, puis le après où j'ai toute la face coulée. Parce que je passais la soirée à me gratter la face, puis parce j'avais chaud. Puis, ouais, puis t'achètes ton maquillage comme pas trop cher, puis tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est juste pour une soirée. Tu sais, qu'avec ça, la poussière. Tu fais plein de plaques rouges. Bon, j'ai fini le dernier film. Voilà pour les petits bonheurs et voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On se quitte là-dessus pour une autre édition d'Assemblage Requis. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Et demain, on aura David Ferron qui va être là pour sa chronique et la langue dans ton oreille. On va rencontrer Odile Pickles, un nouveau personnage théâtral. J'ai une idée, Mathieu. Vas-y. Demain, pendant la chronique à David, subtilement, je vais appeler en onde. Ça va déstabiliser. Ah oui, ok, oui. On aime ça le déstabiliser parce qu'il n'est pas très, très déstabilisant, c'est ça. On va aussi avoir François Landry et sa chronique Logocratie 101. On va faire les instructions d'assemblage aussi dans l'émission de demain. Donc, soyez-y. Sinon, on remercie Stéphanie Paradis, notre seule chroniqueuse aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis pas en relâche, moi. Non. Restez sur nos ondes. Merci à PC. PC, excuse-moi, PC. Oui. Oh. Qui s'est déplacé ce matin pour le petit hommage. Lui qui me fait enfin apprécier au moins un PC. Un PC. C'est le seul que j'apprécie. À 10h, ce sera les précieuses ridicules, en rappel. À 13h, c'est les filles... À 11h, pardon, ce sera le dîner de con. Faut quand même pas sauter par-dessus notre quotidienne. À 13h, c'est les filles de connaître ensemble. Ensuite, à 14h, le voyage insolite, puis la vie en mauve. Je serai de retour à 16h en direct pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et Marie-Ève Picard. À 17h, c'est les Palmarès C'est Fou édition top 5. À 19h, Rap Fusion. Donc, passez une belle journée. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète. Oui, vous pouvez aussi aller voir assemblagerequipe.com pour les balados de diffusion, dis-je, et les notes de l'émission. Twitter, Facebook. Hashtag, Vine. Hashtag. Il y a une souris dans l'ordi à droite. T'entends-tu? Si, mettons, je monte mon micro trop fort. Mais pauvre titre, il faut lui donner à manger. Oui, pas très fort, ça. C'est triste, hein? Je pense que la souris, elle se plaint depuis le début de l'émission. C'est comme... La souris, t'as spin. C'est parce que quand t'as parlé ce matin de... Du truc à hamster, la roulette à hamster. Ouais, c'est ça, pour humain. Oui, elle a fait. Ben, pourquoi moi j'en ai pas? Hein, c'est pas parce que je suis dans un ordi que j'ai pas le droit à ma petite roulette. Tout offusqué. Ouais, sais-tu quoi? On finit l'émission. Non, ben j'aimerais ça, mais je trouve ça trop le fun de faire des malaises en ce moment. Je trouve ça vraiment très très drôle. L'émission est finie, fait que tu sais, on est plus en ondes. J'imagine que la pub a commencé derrière moi puis que je l'entends pas parce que j'ai fermé le micro. Là. Oui. Mais j'aurais envie que la souris dans l'ordinateur nous fasse une aparté. Maudit, là. Il parle de moi. Il imite la souris. Maudit, il me parle de moi, là. pourquoi j'ai pas de roulette? En tout cas, si... si c'était un Mac, j'aurais une roulette. Moi aussi, j'ai eu ça les PC. Oui. Ça fait 20 ans que j'ai pas mangé. Oh. À demain. À demain. Bye, Steph. Bye.